J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui! Bonjour! Oui, bonjour! Bonjour! Oui. Oui. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le 14e de cette 5e saison. Ça file à une vitesse folle. Un épisode un peu particulier parce que c'est un special, c'est un peu un hors-série et en même temps pas tellement, puisqu'on va pas parler de trucs de geekos qui durent 3h30. On va parler d'un sujet assez particulier puisqu'il s'agit d'un festival qui a lieu à Black Rock, c'est ça le nom? Ouais. Peut-être ouais. Avec un accent encore plus français. Black Rock City. Black Rock City. À savoir le Burning Man. Je suis avec 5 invités. On est très nombreux, je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux dans ce podcast. Alors d'ailleurs je préviens aussi avant, dès le début, Adrien Méniel n'est pas là car il fait le tour de la France en kangou. Il est avec Jeannot qui est le nom qu'il a donné à sa voiture. Donc j'ai hâte qu'il nous raconte tout ça quand il reviendra. Mais il reviendra, alors je crois pas à la prochaine, mais à celle d'après. Et ce serait bien qu'il revienne vite parce qu'on a des billets à vendre pour une soirée bientôt, donc ce serait cool qu'il vienne faire un petit peu de promo partout. On en sait un peu plus sur cette soirée ou pas? Toujours pas, mais la billetterie est dans 15 jours. Voilà. Enfin, à 15 jours, si vous écoutez ce podcast, le jour. T'es un peu comme le Fire Festival, c'est-à-dire que tu vas vendre des billets sans qu'il y ait un événement. On a Coolio qui vient, on a Busta Rhymes. Donc je vais tous vous présenter. Nous sommes tout d'abord avec Jérémy Galland. Bonjour d'ailleurs. Jérémy, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Jérémy Galland, auteur-réalisateur. Voilà. Oh, des petits projets? Oui, des petits projets. T'as pu te voir dans quoi, par exemple? On a pu me voir en tant que comédien dans Serge le Mytho, voilà. Avec Jonathan. Et avec Jonathan, le même Jonathan, on réalise une nouvelle série pour Canal+, là, qui va se tourner dans un mois. Voilà. Tu vas s'appeler La Flamme, dans laquelle tu as écrit avec nous. Oui, c'est vrai que j'ai écrit avec les copains. Et on a hâte que vous voyez ça. Mais d'abord, tu dois tourner, Jérémy. Voilà, dans un mois. Et c'est la pression, mais c'est cool. Tu étais dans Serge Mito, ce qui m'offre un peu une transition toute trouvée, puisque oui. Nous sommes également avec Kian Kojandi. Oui, oui. Kian, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis un des créateurs de Serge Mito, dans lequel Jérémy a joué. Puis j'ai fait des séries comme Bref, Bloqué, puis je fais du spectacle. Là, voilà. J'ai un spectacle qui s'appelle Pulsion, qui est sur Internet, sur YouTube, si vous voulez le voir. Et j'écris des blagues en général, et puis j'essaie de les jouer, j'en donne plein pour les autres. Et tu as un spectacle en ce moment aussi? Oui, c'est ça, bonne soirée. Je suis à l'Européen, là en ce moment je reprends à Paris de octobre à décembre, et je suis en tournée dans toute la France à partir de janvier. Extrêmement Suisse, stylé. Belgique aussi, évidemment. Oh. Est-ce que tu seras en kangou avec Adrien cette tournée française? Adrien joue dans une kangou, c'est un peu comme Dieudonné. C'est pour ça qu'elle est jaune, la kangou. Ouais, exactement. C'est une roulotte. C'est une petite roulotte. Nous sommes également avec Vanessa Bria. Oui. Vanessa, qui adore les voyelles. Vanessa, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, je suis Vanessa Bria, je suis productrice et micro-influenceuse. C'est-à-dire Comment ça, productrice? C'est qu'elle n'influence que des micros, que des marques de micros. La petite update des agences. Et oui, maintenant, il y a la micro-influence. Donc, les Natou et consorts, les gens qui ont des millions d'abonnés, vraiment, c'est sert à rien. Plus ou moins c'est ringarde. C'est ringarde. Elle est hyper ringarde. Hein, je m'adresse à elle, d'ailleurs, parce qu'il y a une grosse bataille entre elle et moi en ce moment. Parce que moi, j'ai 8000 abonnés sur Instagram. Oh. Autant dire que Natou ne pèse pas avec toi. Pas beaucoup. Un petit village d'Ardèche, au final. J'ai dû refuser pour des restons, parce que je produis une nouvelle émission pour la rentrée sur Canal. J'ai dû refuser une opération avec une marque de Cronenbourg qui m'a déniché en fait, qui m'a repéré et qui m'a proposé de faire une OP sur mon compte Instagram pour 250 €. Je dois moi-même aller acheter mes packs de crocs. Et voilà quoi, c'est mon nouveau business. Est-ce que tu vas la faire? J'ai dit non. Pour l'instant, parce que tu te réserves pour d'autres choses, toi c'est pas ton univers. Je n'accepterai que de faire jouer ma micro-influence que si c'est juste un bridou qui m'appelle parce que j'ai été ouvrière là-bas. Ah, et ce serait un beau retour des choses. Absolument. Moi, on m'avait proposé de faire une OP pour de l'alcool et j'ai dit non, désolé, je bois pas. Ils font oui, mais peut-être que t'es fan, oui. J'ai trouvé cette réponse parfaite. On m'a récemment proposé de me refaire tous mes cheveux. Une clinique. Génial. Une clinique, on va dire venez, on fait tous vos cheveux. Puis on pourrait dire bref, j'ai refait tous mes cheveux. Ah, okay. Au moins ils ont amené l'idée. Okay, tu vois, il a dit oui et on le voit là, c'est vraiment assez probant. J'ai une longue devant nous. Non, mais moi je suis là, je me dis. C'est bien d'avoir des cheveux, c'est quand même, ça peut être pas mal. Nous sommes également avec Tom Evra. Tom Evra. Oui, oui, oui, c'est bien moi. Tom Evrard, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, Tom, enchanté, j'espère que vous allez bien. bah écoutez, je suis auteur, réalisateur également. Et voilà, je. Voilà. Et oui, mais et aussi représentant du swag français. Ah, il faut, apparemment. Ah, ouais, non, mais c'est ça, il faut le dire. Et nouveau sosie de Kim Chapiron. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, exactement. Voilà, très fier de cette nouvelle stature. Nous sommes également avec Ludoc. Ouais. Ludoc, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent, qui te connaissent peut-être pas? Eh bien, enchanté, moi je m'appelle Ludoc, je suis réalisateur principalement, notamment pour le studio Bagel et pour pas mal d'autres personnes. Et je suis le grand survivant du premier podcast. Alors oui, effectivement, parce qu'il faut le dire, en fait, on avait déjà enregistré un podcast sur le Burning Man avec d'ailleurs Natou et Mélo, qu'on embrasse, qui n'ont pas souhaité revenir, parce que je leur dois de l'argent, enfin une sombre histoire. Non, en fait, elles n'ont pas voulu revenir, parce qu'en fait, justement, elles ont vu vous pourrez nous en parler vous-même, mais un espèce de truc un peu mystique sur le fait que le fait d'en parler a disparu, et donc elle trouvait que c'était un peu peut-être la destinée au final, car nous avons brûlé ce podcast à la manière d'un bonhomme en bois géant. Enfin, Nat, c'est parce qu'elle est jalouse de moi et oui, de ma communauté. C'est enfin, elle a parlé d'une marque en bois. Mais nous allons refaire ce podcast d'ailleurs, avec plaisir. Si on écoute un extrait, ça fait ça. Ça fait ça. Oui, c'est Flaubert, je teste. Ça y est, on enregistre dans 3, 2, 1, j'appuie, on enregistre. Allez, c'est parti. C'est encore plus triste, c'est que j'ai pas pris le beau plugin. En fait, on a tout le podcast, mais enregistré avec le son de la webcam de mon ordi. C'est-à-dire que ce podcast. Ça, c'est plus un podcast normal. Hein. C'est un interphone. C'est quelqu'un à l'interphone. Nous allons tout de même pouvoir reparler de cette émission, de ce festival, pardon. Moi, je connais pas du tout le Burning Man, c'est-à-dire que je n'y suis jamais allé et je ne compte pas y aller dans ma vie, mais je serais ravi d'en entendre parler. Quel dommage. Oui, mais parce que tu sais, moi, l'hygiène, tous ces trucs-là, c'est des choses auxquelles je suis attaché, Jérémy. Et du coup, je me suis dit, le seul truc que je connaissais, et peut-être que c'est le cas des auditeurs, c'est un épisode de Malcolm, Malcolm in the Middle. Et je me suis dit qu'on allait pouvoir rythmer un peu cette émission avec des petits extraits de Malcolm pour que vous nous en parliez un petit peu plus. T'entends ça ? Ça, c'est le genre de truc qui veut rien dire. Que déballent ceux qui sont incapables de comprendre le festival du désert, Burning Man, 8 jours de liberté loin de tout, et des femmes à poil ? Un véritable retour à la nature et des femmes à poil. Des performances artistiques et des femmes à poil. Le festival du désert. J'avais absolument. Quand même oublié que la voix de Riz était quand même assez incroyable. Elle est assez stylée. Alors déjà, j'ai envie de savoir comment vous avez entendu parler du... Déjà, comment, dans les très grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que c'est le Burning Man? J'ai envie de demander à Vanessa. Ah oui. Le Burning Man, c'est un rassemblement. Alors, c'est pas un festival, comme le dirait, c'est pas le festival du désert. C'est un rassemblement communautaire qui crée. Enfin, c'est une communauté qui crée une ville éphémère à Black Rock City, donc qui est Black Rock, un désert dans le Nevada, à 4 heures au nord de Reno, si je dis pas de la merde. C'est au milieu de nulle part. Et qui sont basés sur 10 principes en fait de vie, notamment le zéro, le leave no trace en fait, donc c'est qu'il n'y ait pas de déchets, l'autosuffisance, la vie en communauté, le partage, pas d'argent, pas de marque, pas de capitalisme en fait, consentement. Pas de commerce, le consentement, absolument. Et qui est un peu venu et la liberté. Avec le temps, le consentement. C'est-à-dire que peut-être possible qu'il y a 30 ans, c'est peu plus l'année dernière, il y avait vraiment marqué le consentement partout, le consentement. Je pense qu'il y a eu quelques soucis avant, que c'était pas encore une des règles du Burning Man. Bon, on a rajouté ça, les gars, on s'est dit voilà, c'était pas con. C'était pas. Comment vous avez entendu parler déjà de ce truc, Jérémy? Par des potes qui étaient allés plusieurs fois dans le temps, c'est-à-dire qu'ils avaient une machine à voyager dans le temps. J'avais jamais vraiment vu d'image ou truc, parce qu'effectivement, avant Internet, à l'époque où je vivais. Non, mais en fait, je m'étais jamais vraiment intéressé à ce truc-là. Et puis au final, une espèce d'envie un peu de recherche d'ego, mais de destruction d'ego et de trucs. Et j'étais dans une période un peu méditation. Et puis. Prise de substances et plein de choses et en fait je me suis dit putain, il y a ce festival où pendant 8 jours t'es coupé de tout et en même temps très intensément dans quelque chose mais qui a rien à voir avec la vie de tous les jours et une forte envie de d'aller chambouler un peu mon quotidien et ma vie là-dedans quoi. Mais je suis allé avec un pote qui s'appelle Arthur Péripilu, qu'on embrasse. Ah oui. Et c'est vrai qu'on s'est chauffé tous les deux à deux moments de nos vies où on avait, je pense, besoin d'aller voir autre chose Et on s'est dit, putain, mais il y a ce festival, il y a Burning Man, tout le monde nous en parle, ça a chambé. Et en fait, surtout, on nous a vachement vendu le truc en disant, mais. Parce que j'y allais vachement reculons. Enfin, l'idée me rebutait au début parce que je pensais que c'était que de la teuf vraiment pendant 8 jours. Boîte de nuit, techno. Mais c'est l'image et, un peu aussi que. Voilà, que ça et renvoie, en fait, et au final, pas du tout. On l'a vachement vendu. Mais non, vous allez voir, en fait, toute la journée, c'est que des expériences un peu folles. Et comme j'étais un peu dans mon délire, effectivement, psychédélique plus méditation plus plein de trucs, je me suis dit, allez, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde, ou c'est peut-être juste pour le délire, où vous êtes dit, non, j'y vais avec une espèce de but que ça m'apporte quelque chose dans ma vie. Ah, moi, c'est un accident. C'était ma meuf de l'époque qui m'a dit j'ai une place en plus. Ah oui, d'accord. Tu veux venir? Et j'ai dû réfléchir pendant 2 mois alors que tout le monde s'arrache des places dans tous les sens. Tu vois, genre, ouais, mais attends, je sais pas trop. Puis après, j'ai fait, bon, allez, on y va, tout ça. Mais je suis un peu comme toi, moi, j'ai un peu l'hygiène, tout ça. J'ai peur de me retrouver dans le désert. Ouais, ça effraie un peu, hein, sur le. Bah sur le ouais, mais en fait, c'est méga propre, en fait. Non, mais sans déconner, c'est, ouais. t'apprends énormément, t'en sens énormément grandi, t'apprends à gérer l'eau, à gérer ton hygiène. C'est hyper formateur le Burning Man. Mais justement, pour les gens qui savent pas trop, c'est que par exemple, t'as un accès à l'eau, t'arrives. Attends, il y a plein de gens qui se projettent, qui m'ont posé des questions, ils m'ont dit comment on peut faire, c'est quoi là-bas en fait. Quand t'arrives, tu peux choisir un campement, c'est-à-dire des gens qui ont déjà établi un campement, mais de l'eau, dans des grandes citernes d'eau pour boire et des citernes d'eau pour laver un peu la vaisselle, les trucs comme ça et tout, qui ont mis derrière une cuisine à disposition. Toi, c'est une sorte de campement. Tu viens, tu payes un peu le campement et t'as accès à ça. Tu mets ta tente. Et je sais que par exemple, t'as pas le droit de mettre de l'eau par terre. Par exemple, t'as pas le droit de te laver les mains et laisser l'eau par terre. En fait, tu fais pas couler une bouteille parce qu'on veut pas que ça laisse des traces. Ouais. Je crois que c'est dans un lac desséché en fait, ouais, le Burning Man. Et du coup, si tu mets de l'eau, ça fait des craquements énormes. C'est horrible, ça sèche complètement la terre. Avec le truc justement du consentement, il y a tout le temps leave no trace. Laisser aucune trace sur le désert. Mais même tes cendres de clope. Au-delà du mégot, c'est même les cendres. Tu les mets dans ton cendrier portatif, quoi. D'accord. Et en fait, il y a même un je sais plus comment il s'appelle ce groupe, mais il y a un groupe qui effectivement après le Burning Man, et c'est des gens du Burning Man qui vérifient effectivement. Ce sont des bénévoles. Ouais. Des bénévoles qui vérifient l'endroit et qui check up. Ils ont une carte de là où ça a été le plus pollué, etc., etc. Et les campements qui sont en général liés à des endroits qui ont été vraiment pollués où ils ont laissé de la mer, etc. Ils sont interdits de Burning Man. Genre là, il y a plein de campements qui ont été interdits cette année parce qu'ils ont laissé souvent laissé les campements genre de qu'on appelle les campements de riches là où ils sont les Connarland qui ont laissé des traces. Et il y a eu quatre énormes campements qui ont été mais vraiment genre des campements historiques énormes qui ont été interdits de Burning Man cette année à cause de ça quoi. Et parce qu'aussi cultiver aussi l'Instagram culture du Burning Man qui est un peu anti-Burning Man, quoi, le côté aller juste à Burning Man pour faire des photos Instagram. Mais ça, on parlera un peu de l'esprit Burning Man, mais avant de pour te dire, je t'arrête, c'est juste le côté, t'as pas de douche, t'as rien, du coup, moi je me suis pas lavé pendant une semaine, j'ai juste avec quelques lingettes histoire de rafraîchir un peu les zones à risque. Parce que quand même c'est dans le désert, mais en fait la couronne du gland pour on est assez fromage de bite, on est assez propre. Donc on est assez propre en fait. En fait, t'as toujours une couche de calcaire autour sur ta peau. Tout le monde est dans le même état quoi. Donc il y a pas vraiment de saleté. J'ai jamais senti la transpi chez un gars. Ça, ouais. Tu vois, tout le monde se prend dans les bras en permanence. Pourtant, tu vois, tu pourrais genre c'est moite et tout. Pas du tout. Il y a quand même une ambiance assez sèche. L'air est très sec. Et du coup, même pendant une semaine, tu te laves pas. Enfin, par exemple. Et c'est pas grave. Les cheveux gras. Tu t'en fous complètement. Et en fait, c'est juste il y a des toilettes qui sont très souvent nettoyées. C'est-à-dire que c'est des toilettes publiques. Elles sont assez cool, elles sont bien faites. Je trouve qu'elles sont, tu vois, si tu vas vers 2h du matin, tu ouvres la porte, tu fais C'est-à-dire qu'il y en a qui redécorent même les toilettes avec des néons, des trucs. Ouais, des mecs qui s'amusent, par contre, il y en a qui redécorent vraiment avec de la merde. Vraiment. Il y a une substance qui est vraiment. Il y a un mec qui est sorti des toilettes, et pendant qu'il était dans les toilettes, il y a un mec qui a mis un tapis rouge avec des meufs qui sortaient. Et le mec qui est sorti, les gens étaient là, ouais. Non, mais t'as même des gels hydroalcooliques pour te laver les mains juste après. Peut-être, il y a vraiment pas l'espace aux germes non plus quoi. C'est vraiment pas un espace où je me suis dit putain c'est vraiment dégueulasse quoi. Les vaisselles, t'as des bacs à vaisselle avec de la terre, un peu de javel dedans pour vraiment nettoyer les microbes. Franchement, j'ai pas senti, moi qui suis un peu à cheval là-dessus, c'est au contraire, je me suis senti assez libre et ça m'a même enlevé mon délire un peu psychorigide là-dessus. Mais alors du coup, avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet du quotidien là-bas, pour y aller en fait, parce qu'en fait on y va pas comme ça, c'est-à-dire qu'en fait il faut choper des places sur un site, sur internet, comme tu disais Ken tout à l'heure, c'est assez vénère pour choper des places. Genre, il y a beaucoup de gens, parce que c'est le monde entier en fait. C'est un enfer. C'est le monde entier pour 70 000 personnes, ouais. 70 000 personnes, les places sont assez rush. 300-400 balles, non? En fait, il y a plein de. Il y a plusieurs prix. Il y a un premier prix où early stage où les gens peuvent payer très cher pour avoir des billets. En fait, $1,200. Quand tu dis ça, c'est qu'en fait, plus tôt tu les achètes, plus c'est cher, mais au moins plus t'es sûr d'y aller. Voilà, c'est ça. À $1,200, t'es quasiment sûr de les avoir. De les avoir. Après, t'as la main sale où tu dois t'inscrire. Et t'as un espèce de site qui s'allume avec une file d'attente et tu sais pas si tu vas réussir à... C'est une espèce de éloterie et attente. Ouais. Tu sais pas si tu vas avoir des places. Et puis t'as... Très américain, ça, pour et le puis tu refresh, et puis t'as ton wifi qui décolle. Et puis c'est pas assez. On a tous bugué. Moi, j'ai bugué cette année. Je voulais retourner, j'ai bugué. Tout le monde. C'est une cata. C'est une vraie cata. Et au final, t'as pas de place. Donc tout de suite, tu vas sur les sites de revente pour voir des places. Ticket soit pour les embrasses. Et puis des connards qui les vendent 25 fois le prix parfois. C'est insupportable. Bien sûr. Et donc là, il y a ça. Et après, il y a une autre main sale. Début juillet, il y en a une autre à $200. Ouais, c'est ça, moins cher. Ouais. Mais il faut que tu prouves, que t'as pas de taf. Il y avait un truc, c'est plus vraiment pour les ricains, un truc. Enfin, ils ont un truc comme ça. Et après, maintenant, ils ont inventé cette année un système de revente au sein du Burning Man, où effectivement, pour éviter les prix les qui reventes, partent, vénères, les reventes à 1100 balles. Mais il y a quand même des gens qui vendent des. Là, je regardais parce que moi, j'ai un ticket pour cette année que j'ai pas réussi. Enfin, que j'ai pas. C'est pas. Enfin, je l'ai revendu au final, mais je l'ai revendu au prix de la main sale à quelqu'un qui était déjà à Reno. Au dernier moment, parce que je pouvais pas y aller, parce que je suis rentré à Paris pour la prépa. Mais ouais, ils essaient de plus en plus d'éviter la revente un peu. Oui, parce que ça se veut un petit peu contre tous ces trucs-là. T'es pas censé faire du commerce dessus, donc les gens qui le vendent le double. C'est complètement pas dans l'esprit du truc. Après, il y a des camps VIP à des places où tu fais rien du tout et tu viens et c'est peut-être 10 000 euros la semaine. T'arrives en jet. Il y a une piste d'aéroport à côté. Tu peux venir gratos au Burning Man si t'arrives en parachute. Mais faut que tu prouves que t'as fait 80 sauts ou un truc dans le genre pour qu'ils veulent éviter qu'il y ait des mecs. Il y a Elon Musk qui arrive comme ça. Non, mais c'est vrai, le gars qui a traversé la Manche dans les Simpsons. T'as Zapata avec la mitraillette. Toute la journée, tu vois des mecs arriver en parachute en slip. Ils sont là avec leur sac à dos. Mais Ludoc, par exemple, quand vous arrivez là-bas, parce que moi j'ai vu des photos assez impressionnantes où t'as des files d'attente de 6 ans à peu près, comment ça se passe quand on arrive dans le désert? En gros, on arrive le dimanche, puisque c'est du dimanche au dimanche soir. C'est la dernière semaine des vacances chez les ricains, je crois. C'est ça. Et en fait, en général, tous les gens arrivent en journée et il peut y avoir entre nous, je sais plus combien on a fait. On a 4 heures, non? Nous, on a fait 4 heures parce qu'on est arrivé, mine de rien, assez tôt, comparé aux autres. Mais oui, ça va, 4 heures. Il y a des années où tu peux attendre 10-12 heures. Ah non, c'est quand même un peu un enfer. Nous, on racontera avec Tom, on a mis vraiment 48 heures. On est vraiment sur un système desséché, en fait. En fait, en plus de ça, ça dépend si tu vas en camping-car, parce que forcément tu peux avoir nous avec Arthur on avait loué un camping-car, enfin un RV qui est à 7 fois le prix d'une location de RV habituelle, mais vraiment à 5 états à la ronde, tout le monde qui loue des camping-cars à ce moment-là, c'est pour aller au Burning Man. Il y en a certains qui interdisent aussi, qui veulent pas que. Parce que tu les rames, parce que tu payes une caution de 2000 de plus. Parce que tu dis, le désert, en fait, tu les rends limite plus propres que quand tu les avais loués, mais bon, voilà, donc forcément. Et nous, on avait loué le RV à Vegas. Donc, c'est 10 heures de route pour aller jusqu'à Black Rock City. Et après, on a attendu 12 heures, quasiment au point mort, pour pouvoir rentrer dans le Burning Man. En plein cagnard, en général. Voilà, arrivé à minuit, donc la nuit, genre 6 heures du matin, genre pas pouvoir dormir parce que t'es obligé d'être quand même éveillé pour avancer à chaque fois de 2-3 mètres. Et parce qu'il y avait une tempête de sable. Le connard. Parce qu'il y avait le premier jour, il y avait une tempête de dust. Et vraiment, on ne voyait rien à plus d'un mètre, quoi. Ah oui, tu sais pas où tu te gardes, t'as la surprise au réveil, en fait. Ah ouais, tout était... Parce que nous, on l'a pas eu, pour le coup. On dit Hidalgo, mais... Il y a une astuce, par contre. Moi, j'ai pas vécu ça du tout. C'est doublé. Moi, j'ai un campement. Comme je disais, j'ai payé un campement pour y accéder. Pour avoir de l'eau potable, pour pas me soucier de l'eau. C'était 200 euros l'accès au camp, tu vois, donc pour la semaine. Mais tu peux te proposer en tant que volontaire pour monter le camp. Ouais. Et donc là, tu n'arrives pas le dimanche, tu peux arriver le vendredi. Et donc tu arrives et après pendant 24 heures, tu montes des tentes, tu t'aides à mettre la citerne, les trucs comme ça. Donc c'est pas énorme en fait, on n'a pas aidé non plus toute la vie, mais on était là, on était dispo. S'ils avaient besoin de monter quelque chose, on était dispo pour les aider. Et en fait, j'ai fait une heure de queue moi. Ah oui, d'accord, ouais. C'était plutôt cool, donc c'est un bon plan. Donc t'as vu la ville se monter dès le vendredi. J'ai vu les gens arriver. Ça doit être impressionnant. Je suis arrivé le matin avec 1500 voitures autour de moi. C'est ça qui est ouf en fait. J'ai pas vu arriver. Un mec dans ton lit. Bah oui, ça me rend du mal. Oh pardon. C'est la tempête de sable, j'avais pas vu. J'ai pas vu. Il y a quand même dans mon cul là. Ouais, ouais, bah. T'as pas de sable, faut protéger. Hein. vous avez galéré à rentrer du coup. Nous on a toute une backstory derrière. Bah, je t'en supplie, raconte-nous. Bah, je te laisse commencer. En fait, Ludoc, Nat, Mello, Quentin, ils sont partis avant nous. En fait, ils ont fait un road trip dans le Nevada et Tom et moi, en fait, on bossait avant. Donc moi, je me lançais dans la saison 1 de Crac-Crac. Donc j'avais pas le temps de partir 3 semaines avec eux. Donc Tom, on y va. Dernier moment, juste on prend un avion juste pour ça. Donc on arrive à Los Angeles, on récupère un des vans. Tous les deux, ce soir, on prend l'avion le matin. La nuit, on dort pas parce qu'on fait des nocturnes pour boucler nos tafs. On dort pas, on prend l'avion, un EasyJet long courrier. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. XLR Ways, c'est une catastrophe. XLR Ways, de l'eau rentre dans l'avion. C'est-à-dire que nous, t'arrives, en fait, nous avec ma meuf, on est grand, donc on se dit non, on va prendre des places vers la, comment dire, la sortie, parce que comme ça, t'as pas le siège devant, t'as de la place pour les jambes, et en fait, on voit vraiment de l'eau rentrer par la porte. Moi, j'avais pas de ceinture de sécurité. Moi j'ai dû faire copilote pendant 3 heures. L'hôtesse de l'air était une poule avec un gilet. C'est marrant, ouais. Mais du coup, on arrive à Los Angeles, on récupère donc le deuxième. C'était pas un RV, nous, c'était une espèce de trafic avec un pop-up toit, je sais plus comment ça s'appelle là. La bagnole de Méniel, quoi. Ouais, voilà. Et là, on est samedi soir. Et on récupère le truc et je dis à Tom, on doit rejoindre. Eux, ils étaient déjà à Reno, donc c'est à 12 heures de route minimum. Je dis, soit on continue sans ayant dormi, mais au moins on les rejoint et on va tous ensemble à Black Rock City, sinon se retrouver là-bas vu qu'il n'y a pas de réseau, ça va être l'enfer. Donc vas-y, on y va, on dort pas et on conduit, quoi. Mais en fait c'est hyper dangereux, on a bu du Red Bull et du café, moi je bois jamais de Red Bull et tout parce que c'est impossible, et là on en a bu toute la nuit, on a vraiment conduit non-stop et on s'est un peu endormi sur la route. Ouais, c'est ça. En fait, c'est, je pense, un des moments les plus dangereux de ma vie. On était tous les deux. Et surtout, il y a ce moment un peu cauchemardesque où, en fait, pour pas s'endormir, parce qu'en fait, on était jet-lagué, fatigué du taf, etc. En fait, on se mettait tout le temps le même album de musique à chaque fois que la personne conduisait. C'est-à-dire que moi, je mettais un album de rap, c'était tout le temps le même. Et genre, mais pendant 12 heures, donc je devenais fou, en fait. Parce que les albums que tu connais par cœur, parce que tu te dis, ah, okay, quand t'es dans une chanson, tu te dis, je connais celle d'après, donc ça tient éveillé parce que tu processes l'album. Tu vois ce que je veux dire? Scientifiquement, je pense que c'est absolument pas prouvé. Mais on s'en est quand même sorti. Sauf que quand on est arrivé. On les a récupérés dans un état. Oui, voilà, c'est ça. C'est le genre de truc où t'es là, tu conduis, tu fais la route. Ah, mais c'est fou. Comment ça, 10 km sont passés? Comment ça, t'as fermé les yeux en 2 secondes? Tu fais, oh! Si je ferme un peu les yeux. Allez, à combien de mètres la voiture en face? Surtout que c'est des routes toutes droites. Ouais, c'est ça. Surtout, alors ne faites pas ça, parce qu'en plus, moi, je connaissais pas du tout les routes américaines. Du coup, c'est terrifiant. J'étais dans Lost Highway de David Lynch, c'était bizarre, tu vois, avec des fondus enchaînés bizarres et tout. mais voilà, et en fait, quand nous, on est arrivé à la queue, en fait, moi, j'ai pas pu dormir du tout. Parce que, ils m'ont dit, allez, repose-toi, va dans le camping-car. Ouais, mon queue. Ça bouge partout, tu sais, le truc, en plus, il y a eu un accident. Faudra parle de ça aussi. Ouais, et Quentin a pété le camping-car. Ouais, pendant que je dormais. voilà, je dormais juste pour ça, en fait. Pendant une semaine, on a réussi à rouler, parce que c'était quand même, c'est technique de rouler, de conduire un camping-car. On a réussi pendant une semaine à le rouler tranquille. Et vraiment, à quelques minutes d'entrée dans le Burning Man, on a fait un faux mouvement. Je sais pas comment ça s'est passé. On l'a défoncé et on pouvait plus ouvrir la porte du camping-car. Et on a passé une semaine coincé. Et on a passé la semaine passer par le volant. À passer par le volant. Et comme on avait rangé nos vélos à l'intérieur du truc, il a fallu limite qu'on les démonte pour les faire sortir par les portes du volant. Enfin, c'était n'importe quoi. La dust rentrait dans le camping-car par le trou de la porte. Quoi. Quand tu rentres au Burning Man, il y a une tradition, c'est que ce qu'on appelle les virgins, les gens vierges, tu dois te tremper dans le sable en arrivant. D'accord. Il y a des les gens vierges du Burning Man, pas les. Tu te mets par terre et tu te roules dans le sable pour t'imbiber de sable et après ils claquent le gong et bienvenue, quoi. Tu fais partie. I'm a burner now. Ouais. Et donc, alors vous arrivez là-bas. Virgin anymore. Vous arrivez là-bas et donc, disons, full bilingue. Attends, ah, putain, j'ai pris une claquette. Wall Street English. je vous mets un nouvel extrait une fois qu'ils sont là-bas. Le principe du festival, c'est la liberté. Ici, on fait ce qu'on veut. Moi, je peux faire ce que je veux. Je peux donner des coups de pied là-dedans ou bousiller ça. Eh ben, si au fond de toi, tu sens que tu dois le faire. Dans ce cas, où est le plaisir de tout casser sans raison? Ça, c'est le domaine de la catapulte. Le véritable esprit du festival n'est pas destructeur. C'est la libre création, la libre contribution, la libre participation à une communauté qui a besoin de vous, qui compte sur vous. C'est enfin s'autoriser à devenir partie prenante d'un tout et en repartir avec plus qu'on y a apporté. Et il n'y a rien de plus génial au monde. Bravo. Alors voyage voilà. Dont on vient transformer. Donc une fois que vous êtes là-bas, donc en fait il y a vraiment ce truc dont vous parlez déjà d'ailleurs, mais qui est pas mal d'expliquer aux gens l'esprit Burning Man, parce que vous dites effectivement. Effectivement, juste pour revenir sur le truc de la queue, effectivement Burning Man commence vraiment à la queue. Ouais. C'est-à-dire que ouais. T'attends et en fait tu dis bon voilà, bon, je vais attendre et en fait comme tout le monde attend en voiture, et en fait les gens commencent à faire la teuf déjà. Ils commencent à ouvrir leurs portières, sortir des musiques. C'est-à-dire que voilà, il est 6h du matin, t'as le soleil qui se lève. Tu commences à t'endormir et là tu vois un mec à poil arriver en train de jongler avec des objets contendants. Ok. Enfin vraiment la teuf vraiment commence déjà de base, et puis surtout même avant même 200 km avant t'as déjà des tonnes et des tonnes de voitures qui sont en train d'arriver. Tu vois déjà des chars, des trucs ou... Les chars tu les vois pas, mais tu vois déjà des trucs un peu chelous quand même. Des gens déguisés déjà de ouf quoi. Tu vois. Ouais, nous on a joué au foot avec des gars comme ça, on attendait. Au-delà de faire la fête, je trouve que les gens sont déjà en mode. Moi pour moi le Burning Man c'est le mode gentil. Tout le monde se met en mode gentil. C'est-à-dire que tout le monde arrive et t'es là, t'attends dans ta voiture, il y a quelqu'un qui toque, il fait vous voulez des shots et tout, carrément c'est ça. Tout le monde est cool, tout le monde vous voulez manger, on a fait des burritos, vous voulez des burritos, tu vois, tout le monde est dans un bon délire quoi. Je te suce quoi. Ok. Et moi j'ai perdu ma tante. Encore cette satanée tempête. Non mais donc du coup, alors vous parlez effectivement ce que je disais de l'esprit Burning Man, et ça peut être pas mal d'expliquer aux gens ce qu'on entend pas là. Donc c'est effectivement il y a c'est un truc de partage, enfin c'est ce qu'expliquait cette voix française qu'on embrasse de la série Malcolm. Mais vous comment vous le défenestrez Ah, on pousse pas la fenêtre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois sur place, tu ne peux rien acheter. En fait, tu achètes tout avant. Et du coup, une fois sur place, tu es vachement dans le partage. Tu peux prêter ton eau, tu bouffes avec tes voisins, c'est tout le temps comme ça en fait. Donc, tu es dans cette ambiance de partage non-stop où tu arrives avec tous tes trucs, des petits cadeaux, etc. Et tu passes ton temps à aller voir les voisins, à t'arrêter, à discuter avec des gens, à prendre des verres. Tu peux partir de ta tente et marcher toute la journée, tu vas rencontrer des gens qui vont venir te parler, qui vont discuter, des gens si tu vas parler, ils te parleront pas, c'est pas grave, tu traces, ils vont t'offrir à manger, à boire et tout. Ouais. Le principe, c'est d'être autosuffisant. T'es pas là, t'es censé assurer ton eau toi-même. Ouais. T'es pas là pour aller demander de l'eau à chaque fois aux gens. Il n'y a pas de troc, en fait. Les gens disent, mais c'est du troc, et tu fais. Non, il n'y a pas d'échange. C'est un câlin contre un hot dog, tu vois. C'est pas Japan Expo, tu vois. Non, mais pour revenir sur l'idée de l'esprit. Je pense que c'est effectivement beaucoup de partage, et en fait c'est juste créer une communauté et vivre dans une communauté avec des règles très particulières, et que tout se passe dans une espèce de bienveillance assez folle en fait. Et voilà. Sinon, et sans hiérarchie, sans position sociale, voilà. En fait on te demande, enfin en tout cas je sais pas vous, mais moi on m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie. Non non plus. Mon prénom, c'est pas souvent. Bah, moi, j'ai été baptisée au Burning Man. Alors, ça veut dire quoi, j'ai un Playa Name, parce que le centre du Burning Man, c'est donc là où il y a le Man. Et il y a, en gros, les campements organisés en trois quarts de cadran solaire, quoi, grosso modo. Et là, le centre, en fait, ça s'appelle la Playa. Donc le Man aussi, c'est le grand bonhomme en bois qu'on burn à la fin du truc. Quoi. Et donc souvent, les gens ont un Playa Name. Donc quand tu rentres home, parce que les gens, quand t'arrives là-bas, ah oui, c'est ça que moi qui m'a hyper marqué, c'est que t'arrives là-bas, ils disent Welcome Home. Et parce maison. Qu'en fait, le monde. Si vous ne parlez pas anglais, c'est un podcast un peu relou, hein, je vous préviens tout de suite. Le monde ici, enfin notre monde à nous, là, à Paris ou ailleurs, machin et tout, pour eux, c'est le Default World, donc c'est le monde défaillant. Donc la vraie maison, c'est le Burning Man. D'accord. Et en fait, donc moi, on m'a baptisé. J'ai eu un Playa Name, et c'est vraiment un gars qui m'a dit est-ce que Do you have a Playa Name? Est-ce que t'as un nom de Playa et tout? Bah non et tout. Il me fait Your Songbird. Donc mon Playa Name, c'est Songbird. Je sais pas. Oiseau chantant quoi. Ouais. Et j'adore parce que j'ai l'impression d'être dans Yakari quoi. et ça me plaît beaucoup quoi. Mais ouais, en gros, c'est pas de hiérarchie, pas de position sociale. On te demande pas grand chose, on te demande juste comment tu te sens par contre. Ouais. Tout ouais. le temps. Genre, est-ce que c'est pas ça va, c'est comment tu te sens, t'as besoin de quelque chose. Tu vois, c'est fou quoi. Et y a, non. Ouais. Vas-y. Qui parlait c'est... Ouais. Bonsoir. Ok. y a aussi un truc autour de la rencontre. En fait, le truc aussi, c'est que. Donc, en fait, ce truc de partage, par exemple, les camps. Si tu veux. N'ont jamais existé. Quoi, Jérémy voilà. Jérémy ah, non, je me désolidarise totalement. je vais bouger, moi, je me casse. Il y a des écrits qui. Non, non, oui, il y a pardon. Des vidéos YouTube, quand même. On se pose des questions. Non, mais dans ce truc de partage, en fait, par exemple, pourquoi il y a des. Enfin, il y a des. En fait, donc, tu peux arriver seul, à deux, à trois, hein, mais effectivement, quand t'es une grande, grande bande de potes, genre, vous êtes. 25-30, tu es obligé de demander au Burning Man un emplacement pour faire un camp. Et donc la règle, c'est, donc pas de souci, mais vous devez avoir un thème. Donc le camp doit avoir un thème en général, et vous devez faire quelque chose pour la communauté. Et en général, c'est comme ça qu'il y a ces trucs un peu voilà, d'échanges et de rencontres. C'est, par exemple, il y a des thèmes, bah, ils vont faire... Ils vont faire 200 hot dogs par jour pour les gens qui... T'es qu'il a hot dog à 16h. D'accord. Voilà. À 16h, les mecs, ils ouvrent les fours, enfin, ils ouvrent les grilles, et, ils font des, et tu passes avec ton vélo, tu t'arrêtes, tu prends un hot dog et tu traces, et ils sont contents. Et après, y a, c'est ça, y a, et en fait, y a, et ça, dans toutes les thématiques de vie, en fait, c'est-à-dire que t'as, tu reçois, en fait, quand t'arrives dans le Burning Man, tu reçois un guide avec à peu près toutes les, tous les camps existants et toutes les activités que proposent ces camps. Et en fait, ouais. Ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, c'est là où je me suis dit, ah putain, en fait, Burning Man, c'est ça, c'est pas du tout la teuf, c'est qu'en fait, toute la journée, tu passes ton temps d'aller d'un camp à un autre camp pour aller faire une activité proposée par le camp. Par exemple, genre à 10h du matin, tu vas aller voir un TED Talk du plus gros astrophysicien californien, gros de poids et de talent, parler des trous noirs pendant une heure. Juste après, tu vas apprendre à lancer des couteaux avec un camp de circassien. Après, tu vas apprendre à faire un truc. On avait fait un truc avec Jérémy. C'était, vu qu'on est en plein désert, il fait quand même vite 40 degrés. C'était masque glacé à l'eucalyptus. Ouais, des masques glacés. C'était fou. C'est un mec qui a un freezer en plein désert. Tu vas le voir. Il ouvre son gros freezer. Il prend une serviette complètement gelée. Et il fait, installez-vous, l'eucalyptus, t'es pas allergique. Tu t'allonges comme ça, tu fermes les yeux, il te met la serviette sur le visage et la sensation, elle est juste magique. Il fait, ah si, en fait, je suis allergique, maintenant mon fond bobo. Il te masse et il te fait un petit massage, dis, repose-toi, tranquille, tu veux un verre d'eau, vas-y, t'inquiète, détends-toi. C'est juste ça, son truc, tous les jours, lui, il fait des masques glacés pour les gens. C'est son don à la communauté. Après, tu vas dans un camp de Chinois qui te font des dim sum à bouffer le midi. Après, ouais. Tu vas apprendre à faire du bondage. Après, tu vas aller voir une pièce de Shakespeare jouer au plein milieu de la playa où les mecs te donnent des pages et tu peux aller. Tu vois, avec jouer, eux, et puis... Après, tu vas te faire imprimer la bite. Non, mais ça, faut que je raconte. C'est très marrant, ça. J'aimerais... Rémi, raconte-nous la bite. Non, vraiment, le truc, c'est que j'y allais un peu. Enfin, j'y allais pas reculons. Non, moi, t'étais clairement en avancée. Avant d'arriver à Burning Man, je me suis dit, putain, là, je m'en. C'est quand même, c'est 8 jours quoi. Tu dis, je pars 8 jours. Ouais, tout le monde sans a réseau, peur. Sans thunes, sans truc. Je suis dans un moment dans ma vie où j'étais, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire la teuf et là. Où j'allais un peu reculer. Et effectivement, en fait, Burning Man te prend très vite. Et en fait, tout de suite, tu fais, bah, en fait, t'es obligé d'accepter le dire. Et effectivement, c'est-à-dire que je suis arrivé au Burning Man et même pas une heure après. J'étais allongé sur une table dans un camp gay. Oui, il y a une sorte de quartier gay. D'accord. Où ils étaient full à Walp avec des piercings dans la table et tout. Et moi, j'étais à Walp. Ils étaient en train de m'imprimer la bite à l'encre. Dans un art soi-disant ancestral japonais où ils t'impriment les parties génitales à l'encre de gin, quoi. Mais j'étais nu, c'est-à-dire que je me serais jamais mis à poil. Il fait un parchemin. Ouais, un parchemin avec j'ai une photo où j'ai ma bite en encre. J'ai eu la chance de l'avoir. Moi, j'ai loupé le concours de Camelto, je suis dégoûté. Ah. Mais par contre, je suis diplômé de twerk niveau 1. Bah ça, c'est... Sur un camp, c'était le camp du twerk. Mais si vous voulez voir la teub de Jérémy, il y a JR qui l'expose. Vous pouvez aller voir ça. Non, mais il y avait un camp, c'était incroyable, c'était. Eux, lorsqu'ils apportaient, ils avaient juste un petit campement, ils avaient des bonbons, une brochette de bonbons, et t'allais les voir et c'était. Tu montrais ton sexe, c'est et genital ouais, c'est genital appreciation. C'est ça. Et genre, fallait que tu montes ta teub ou ta chatte. Tu montes ta teub et les gens font ouais, ils donnaient... ouais, tu veux un jus de pomme, super, tiens. Ouais. Mais c'était trop encourageant, genre, salut. Waouh, super. Alors, effectivement, il y a tous ces trucs hyper genre drôles et tout, mais aussi il y a des trucs hyper deep. Ah genre, ouais. Ouais, il y a des trucs de secte, machin. Bah, toi, t'as tout. Été baptisé aussi. J'ai été baptisé, c'était. Électro-transcendantal. Et ouais. Non, voilà, par l'église de technotranscendance. C'était assez fort. Mais ça consiste en quoi là? En fait, tu y vas et il y a un dieu cybernétique qui arrive. En fait, c'est une voix off. Je sais pas comment ils l'ont fait via un système de poulies ou je sais pas trop. D'Amazon. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, tu rentres dans une salle avec plein de miroirs et il y a ce mec qui te pose plein de questions. Il te dit regarde-toi dans les yeux. C'est très bizarre. Et en fait, quand tu sors, il y a vraiment trois mecs qui sont habillés pareil et qui te font un récital et ils disent maintenant tu es devenu la techno-transcendance ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop. En fait, j'ai voulu rire. Et j'ai... En fait, tu sens que c'est pas l'ambiance. Ah, et tu sens que c'est pas l'ambiance du tout. Parce que c'est les mecs prenaient à chaque fois. Hein. Voilà, le truc très au sérieux. Et en fait, il y a pas mal de choses qui sont comme ça entre le second degré, mais vraiment le premier degré, mais alpha quoi. Tu vois. Des fois, tu sais, tu là, je pense que tout le monde le sait, mais tu vois, par exemple, il y a aussi un temple Nicolas Cage. Qui est très renommé, ça d'ailleurs, le temps de Nicolas Cage Ludox. On a fait un cours Nicolas Cage où il y a plein de photos de Nicolas Cage. Il y a un mec qui prend un spray et qui te balance de l'eau et qui dit c'est les gouttes de Nicolas Cage. T'as un temple avec une petite bougie avec le portrait de Nicolas Cage. Enfin, après, tu fais du coloriage sur des. Enfin, c'est improbable. Et tu récites une prière hyper premier degré. Oui, voilà. Ouais. Et c'est ça, tout le monde est premier degré. C'est ça qui est trop drôle en fait. Il y a un comment qui est formidable. C'était tu viens et tu peux. Il te donne du papier, un stylo, les crayons. Et tu t'écris une lettre à toi et tu dis dans combien de temps il te la renvoie. Ouais, et donc tu t'écris un mot à toi dans 10 ans, 20 ans, tu mets une adresse, une adresse mail en supplément, comme ça ils peuvent te l'envoyer par mail si jamais t'as changé d'adresse. Arthur a reçu sa lettre qu'il a fait pour son lui de 1 an là, il l'a reçu genre avant-hier, un truc comme ça. Wow. Ah putain. Et donc tu fais ça et en fait c'est totalement gratuit, il y a pas de tu donnes rien, t'as rien à faire. Il y a jamais tu d'argent. Ouais, c'est ça, tu viens, il est 16h et t'écris ton truc. Après il y a vraiment des camps très chelous aussi, il y a effectivement des camps un peu, parce que c'est un peu aussi la légende un peu de Burning Man, c'est que c'est un festival très cul. Il y a le orgidôme qui est effectivement un camp d'orgie, mais bon, qui est en fait, bon, quand il va, enfin pas quand il va, mais quand tu regardes dans le guide, m'a dit que... non mais voilà, c'est donc c'est pas aussi, au final c'est pas si, tu vois, moi je pensais que vraiment il y allait avoir des partout, mais en fait c'est pas du tout ça, il y a des thématiques dans tous les sens. Pour te dire à quel point quand même il y a des trucs chou, c'est qu'il y avait un camp gay qui s'appelle vous voulez dire que c'est chelou l'homosexualité, Jérémy Gallon? Non, d'accord. Mais qui faisait un event qui s'appelait Guacamole Ass, qui a un nom déjà très prometteur. C'était un concours de fist où fallait mettre tous les ingrédients de la guacamole dans la nuit du monsieur et ressortir la meilleure guacamole ensuite. Mais c'était vraiment un truc de tasting en plus de guacamole fait dans les intérieurs de mais t'imagines? Donc voilà, il y a aussi ça à Burning Man. Il n'y a pas un camp où on enregistre ses paies et après c'est en boucle à la, parce qu'il y a une radio spéciale Burning Man et je crois qu'il y a une fréquence avec des paies en boucle toute la journée. Et tu peux enregistrer ton paie. Après, il y a énormément de. Ah ouais, bien pour moi c'est énergie. Il y a un camp qui balançait en boucle la nuit All Night Long. Mais oui, c'est ce que exactement je voulais dire. C'est la soirée All Night Long. Il faut une soirée où il ne passe que All Night Long. Et c'est le thème de leur char, tu vois. Mais moi, c'est ce qui me faisait le plus marrer, c'était les idées de merde comme ça. Ouais. Genre All Night Long, genre Bike Race, un mec qui venait avec un bout de carton où c'était marqué course de vélo et il se mettait à un embranchement. Et il restait comme ça statique et d'un coup il retournait son truc genre go, genre c'est la course de vélo, et les gens qui étaient assis tranquillement à leur camping-car devaient se lever, monter sur leur vélo et faire une course improvisée quoi. Et en fait t'as des attentats poétiques chelous un peu comme ça à tous les points de... T'as une piste de roller en plein milieu du désert, t'as une piste de roller, avec Arthur on s'est retrouvé, t'as 500 rollers, tu regardes ta taille, tu la mets, puis tu fais du roller en plein désert comme ça tout simplement. Ça m'a fait kiffer parce que ça faisait longtemps qu'on avait pas, j'avais pas fait de roller. Et tu es là en plein désert, t'as un sentiment de liberté, t'es là. Oui, c'est ça. T'as aussi des trucs pas si dingues entre gros. T'as des whoops pour faire du vélo, t'as des whoops, t'as un terrain de. On a fait une soirée au ralenti, je crois. Il y avait le DJ qui contrôlait la vitesse de la musique et du coup, ceux qui dansaient devaient danser en fonction de la vitesse. Et du coup, par moment, tu dansais en accéléré ou au ralenti, c'était très bizarre. Tu dois tenir le truc quoi, il y en a un qui le fait pas, c'est pas cool quoi, c'est de l'anti-jeu. Oui, ça casse le truc en fait. C'est un festival de créativité plus qu'un festival de drogue quoi, que ce soit. C'est... Et puis il y a énormément d'œuvres d'art qui sont installées dans la playa. Ouais. Enfin, c'est ultra créatif quoi, c'est-à-dire que c'est vachement. Bah, déjà, les œuvres sont pas toutes impressionnantes, mais elles sont en général quand même assez folles. Ouais. Genre, ils ont construit une maison entière sur avec des pattes, nous qu'on y était. Il y avait un truc, enfin, des voitures empilées avec une espèce de pylône qui est comme ça qui comme si c'était encastré dans le encastré truc. Dans les gens pouvaient monter dessus, puis ils ont interdit au bout de 3 jours, ils se sont dit bon, il y a un mec qui est tombé. Quand tu vois les gens monter, tu fais bah quand même, on est quand même dans un festival avec beaucoup de drogue, des vitres cassées, il y a tout. Et puis il y a aussi ça qui m'a vachement surpris, il y a énormément de gosses, il y a énormément de vieux, de familles qui sont là. Bon, il y a des familles à Walp hein, quand même, globalement, il y a quand même des gens qui sont globalement vraiment en nus tout le temps à Burning Man. Genre, tu fais la queue pour un hot dog et à côté de droite, il y a juste un vieux va walp. Non, oui, énormément de familles en fait. C'est vraiment. En fait, la journée, quand c'est pas vraiment la teuf et ambiance drogue et musique, la journée, c'est vraiment un vrai. C'est un camping plus quoi. J'ai vécu le Burning Man la journée parce que je faisais tellement de trucs la journée. Le matin, on se réveillait genre à 8h, on allait faire du yoga à 9h jusqu'à 10h. Après 10h, 11h, on allait méditer dans un endroit. Après, on mangeait un petit sandwich avec. Il y avait un atelier boulangerie. Moi, je sais que c'était mon anniversaire en plein milieu du Burning Man. Il y a une grande boulangerie dans le Burning Man et tu peux venir faire ton gâteau. Et ils viennent, ils disent bah tiens, prends ce four, il y a de la farine, tu veux faire par comme contre, recette. Prends pas le guacamole. Et tu fais ton gâteau et la meuf elle t'aide à faire ton gâteau. Et faut savoir un truc, c'est que sais pas pour vous, mais moi ça m'a vachement ému de voir toute cette gentillesse et ces gens qui disent tu veux kiffer, vas-y viens, kiffe, fais ça. Ouais, c'est ça. Ça m'a ému, mais ça m'a renversé quoi. Parce que c'est la logique inverse de chez nous. Voilà, c'est vraiment les gens. Te supplie de venir boire un verre avec eux ou te partager de la bouffe ou des trucs. Ils te supplient vraiment, viens, non, arrête, vraiment, viens manger. Viens profiter. Et genre, ça m'a. Vraiment, c'est trop cool. Ça a changé ma façon de faire de l'humour, ça m'a changé humainement. C'est pour ça qu'on te dit, ouais, life-changing experience, tu vois, ce genre de trucs. C'est une semaine dans ma vie. Où tu peux dire, oh, ouais, ça va, c'est connaît, ouais. Non, c'est dans le sens, ça te fait prendre conscience que notre réalité par rapport au système économique et capitaliste dans lequel on vit et qu'on accepte tous les jours, bah, celui-là, c'est autre chose, c'est un autre délire, et un autre délire est possible. Et putain, tu te dis, bah. Tu réapprends la générosité et tu réapprends le plaisir de la générosité. C'est-à-dire, tu dis putain, en fait, je kiffe à donner. Mais même l'humanisme, en fait. Exactement. Ouais. Plus l'argent. Ouais. Excusez-moi, vas-y, je peux me permettre petite pause dans le podcast. Vu que c'est mon anniversaire. Ah oui. Ah bah. Oh, attends, aujourd'hui Bah, il y a deux jours. Il y a deux jours, c'est ce soir. On va faire du guacamole dans le cul. Allez. Vous savez lire dans mes pensées. Non, bah, je vous ai ramené les cadeaux. Oh. Oui, parce que pendant, je fais un petit décrochage pendant qu'il est en train de sortir le truc. C'est vrai qu'au Burning Man, la tradition, c'est que de venir avec des cadeaux. Ah, mais tu viens avec plein de cadeaux, tu files aux gens. Voilà. Il est en train de faire une tradition, oui, une voilà. Tradition de burners. En fait, c'est un peu fou parce que donc, c'est l'anniversaire de Cannes et il nous file des cadeaux. Donc c'est vraiment extrêmement gentil. Et bah, il a tout compris du Burning Man. Bah, en fait, ça. C'est vraiment ça. Et puis en plus, depuis tout à l'heure, il a la bite à l'air. Donc c'est vraiment. Non, mais c'est ça. Merci beaucoup, mec. C'est trop cool. Parce que t'es un amour. C'est un amour et bah je me sens vraiment comme une merde du coup aussi bah également. Ouais, mais super. Merci beaucoup. Là j'ai un petit Lego Star Wars et ça me fait vachement plaisir. Ouais, c'est mais vraiment cool. Ça me rend heureux de vous faire kiffer. Bah, t'es un amour. T'es un amour. Ouais, je me tourne quand même vers vous pendant qu'on ouvre nos cadeaux. Ouais, je me tourne quand même vers Tom. Mais le fait que tu t'y attendes pas, bah tu vois, c'est ça le Burning Man, c'est ça. C'est tu quoi ? Mais j'ai rien fait. Bah ouais, mais ça me fait kiffer. Et en plus, j'ai l'impression que tu m'as juste offert un paquet parce qu'il est vraiment en. Oh, trop cool ! Oh, non. Des petits Lego. On a tous eu des Lego. Ouais, on a des Lego, c'est très merci bien. Merci. Et moi, putain, un billet de 500. Je sais ce qu'il me préfère. Une pochette de jeux à gratter. Moi, je suis très content parce que j'ai un Lego keuf. Je suis super. Oui, toi tu adores les condés. Oui, bah, c'est voilà, ça. Nique le système, faut que 17. Voilà. Bah, merci beaucoup, Kian. Ouais, merci beaucoup. Et d'ailleurs, tous les auditeurs, vous allez recevoir un Lego de la part de Kian. Ouais, ouais, ils sont pas si nombreux. Ils sont combien? Oh, une petite 50 000. 100 000 balles, les gars. Oh, merde. Ouais, Vanessa, Alors, Tom et. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant qu'on enregistre ce podcast, Burning Man est en train de. C'est quasiment la fin, c'est quand même le gars le plus intelligent de France. Ouais. Et je dis ça dans toute humilité. Ouais. C'est qu'effectivement, je le sors quand ça se terminera. Donc, comme ça, si vous êtes. On est un peu à fond dans l'actu, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est pile le mauvais moment. Ils vont brûler le man ce soir-là. Ouais. Pendant qu'on enregistre. Ouais. Donc, il y a deux jours. Et demain, le temple. Et demain, le temple. Ils crament tout, en fait, après. Oui, en fait, toutes les autres créations sur la playa se brûlent au fur et à mesure dans la semaine. Je crois. Ouais, ça commence à brûler au bout de 3 jours, hein, je crois, petit à petit. Ça qui est fou, c'est qu'ils font des trucs éphémères qui sont dingues et en fait ils les brûlent à la fin en mode on s'en fout, c'était trop cool. C'était pour le moment. C'est pas ça l'important. Voilà. Ouais, c'est ça. T'as deux trains face à face pendant une semaine. Après le troisième jour de bouffe. Hein. T'as 9 à ouais, j'avais aussi le cul qui brûlait beaucoup. Dès le troisième jour. T'as deux trains face à face pendant toute la semaine. Et à un moment donné, tout le monde s'est réuni autour et ils font foncer les trains l'un dans l'autre. Ça explose, ça brûle et c'est fini. Donc ouais, je voulais vous demander, garçons et filles, puisque vous êtes allés en groupe. Ouais, on était 8. Qu'est-ce que ça change? Je sais que vous aussi, Kian et Jérémy, vous étiez avec Arthur. Donc on s'est retrouvés là-bas. C'était même pas prévu. Différent. Mais vous y êtes allés ensemble. Comment ça se passe le groupe? Est-ce qu'à un moment on se sépare et on se voit plus? Moi, des échos que j'en ai eu. Chacun vit sa vie, en fait. C'est ça. C'est ça qui est trop bien. C'est que, et puis aussi, comme disait Kian, qui faisait plus le burning de jour, chacun peut se caler. Il y en a qui font le burning de nuit, il y en a qui font de jour, ils font une petite sieste, et après ils repartent pour le. Chacun se cale, en fait. Chacun fait selon ses envies, on se retrouve, on essaye de. Le matin, chacun part. Ouais. Et ça, des fois, on était tous ensemble. En fait. Des fois, nous, avec Tom, on est partis tous les deux une après-midi. Tu sais, quand on est monté sur les chars là et tout machin. Et qu'on était bourrés. On a cruisé. Et moi, en vrai, je crois que c'est ma seule caisse de tout Burning Man. Ouais, c'était en plein après-midi. Sinon, le soir, on buvait pas particulièrement. En fait, c'est l'énergie du truc. Ça te dit, bah, en fait, fais ta vie. En fait, c'est tellement bienveillant que tu te dis, bah, même si tu. Tout seul. Si tu te barres tout seul, ouais. comme ça, personne il va se passer des choses. Ouais, ouais. Personne t'en voudra. Et en plus, il va se passer des choses incroyables et des choses que tu pourras raconter. On se retrouve le soir, on se raconte tout. C'est ça. C'est qu'en fait, du coup, le soir, après, on se racontait tous les trucs. Moi, à un moment donné, je suis partie toute seule. Je me suis fait alpaguer par le camp des sourcils et que je me suis retrouvée avec des sauts de décoration de sourcils et tout. Après, il y a un gars qui vient me voir, il me fait, tu viens à la course carotte contre lapin, et je sais, bah c'est quoi, bah on lâche des carottes et après 15 secondes après les lapins et on se court après pendant tout le Burning Man. Je fais bah d'accord, et en fait tu reviens et tu racontes ça et c'est trop bien quoi. Donc après le groupe ça va, après d'être entassé dans un camping-car, c'est la promiscuité, elle est réelle, c'est autre chose. Je sais que un des drames de chez nous du Burning Man, elle en avait parlé dans l'émission où qu'elle avait enregistré que j'ai effacé, donc on peut en parler. Tu parles des paix. Oui, je parle des paix qui ne sont pas passées à la radio. Oui, parce que ils sont restés en privé. Il y a eu, alors déjà il y a les crottes de nez. Ça, oula, c'est un vrai sujet. En même temps, c'était le thème de votre camp. C'est la production continuelle de crottes de nez que j'ai trouvé très impressionnante. Et c'est marrant que vous le renotiez pas, parce que moi, ça, j'ai trouvé ça fou. Moi, j'ai pas relevé. C'est vrai que non. C'est vrai que j'ai pas relevé. Incroyable. Et après, mais parce que Mélo et Natou nous en avaient beaucoup parlé aussi. C'est-à-dire les crottes de nez, beaucoup à cause du sable, à cause de la poussière. La poussière, c'est surréaliste, surréaliste. Et c'est vrai que après, il y avait effectivement Quentin qui en avait marre qu'on pète beaucoup. Parce que moi, par exemple, qui n'étais pas du tout, et je crois que je te rejoins là-dessus, Flo et aussi Clara, c'est que j'étais pas du tout de l'école des paix et caca et compagnie. C'est pas du tout des blagues. L'école des paix, qui était une émission de Jacques changer. Martin. Ouais. C'est pas du tout un truc qui me faisait marrer et tout. Qu'est-ce que tu vas nous péter? Bah alors, je vais vous lâcher vraiment une petite sieste. Un petit guacamole. Tu vois. Non mais ça me gavait beaucoup ce genre de truc et tout, et c'est terrible. Il y a eu un avant, un après. Donc je vois l'humanité effectivement avec des yeux vraiment bienveillants, et en même temps, je pète. À qui mieux devant tout le monde. Donc je sais pas. Le fait à qui mieux que j'ai pas ramené hein, que du bon. J'ai pas ramené que du bon du Burning Man quoi. Mais d'ailleurs c'est marrant que tu disais Tom sur la consommation de substances et tout, parce que toi par exemple Ludoc, tu sais que tu bois pas, que tu fumes pas, non, que t'es pas dans rien. Ce délire là. Et pourtant on kiffe quoi, parce que les questions qu'on a reçues sur le Curious Cat de l'émission, quand vous avez des questions pour les invités, les gens disaient oui, donc c'est un peu le festival de l'alcool, mais de alors, la drogue le, et des machins. Le problème de ça c'est que la plupart des documentaires, reportages recherchent du sensationnel, et effectivement il y a des quartiers où il y a ce type de choses, mais c'est un peu comme si tu faisais un reportage à Paris, tu vas au Bois de Boulogne et tu dis toutes les parisiennes sont des putes. Oui bien sûr. C'est si tu vas dans un quartier en particulier avec une idée en particulier, tu en ressors avec un reportage. C'est sûr. Ouais, et c'est sûr. Ça le problème, c'est que tout ce qui en ressort, c'est uniquement ces choses-là. Donc après, en effet, moi je bois pas, je prends rien, et pourtant je me suis éclaté parce qu'il y a plein d'activités, il y a plein d'autres trucs en fait. Donc c'est chacun marrant, c'est son ce que tu propre dis. Burning en fait. Oui c'est vrai. Chacun, il y a 70 000 personnes, il y a 70 000 Burning Man différents. Ouais c'est clair. Ouais. En fait, et puis t'as ce que, en fait c'est marrant, c'est que le Burning Man t'amène ce que tu es, l'énergie que tu truc. Enfin si t'es dans un délire pas de drogue, pas partout, pas machin, tu le verras pas en fait. Genre moi les trucs cul dont on m'avait soi-disant parlé avant, tu vois, que j'avais vu dans des reportages et tout. Moi, j'ai rien vu de. Je suis passé devant le The Orgy Dome dont parlait Jérémy et tout, mais j'ai pas vu de gens niqués au milieu du Burning Man. Alors, moi, j'ai vu. Ouais. Ah, t'as vu ouais, en fait, j'ai l'impression que je suis pas parce que. Après, on a un milliard de photos et de vidéos dans le téléphone et tout, mais. Il y a je te rappelle la grande balançoire. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils avaient installé une balançoire super haute avec vraiment avec l'encadreur de la balançoire qui allait vraiment, mais je sais pas, à 20 mètres du sol. Ouais, 20-30 mètres du sol, quoi. Face au coucher de soleil en plus. Et moi je rentre d'un truc. Magnifique, cadre idyllique. Mais idyllique, et je suis là, je vous montrerai la photo après, mais genre, je suis là en train de. Je suis avec mon vélo, et le truc est vraiment au milieu de la place, c'est vraiment que tu le vois, quoi. Je suis avec mon vélo, et puis je regarde, et puis je vois des gens. Je vois des gens en haut de la. Enfin, sur la barre, vraiment en haut, quoi. Et je dis, putain, c'est dangereux, ils sont ouf, les gars. Et puis je regarde, puis. Ah, elle est en train de sucer. Ah ouais. Ah puis il y a quelqu'un qui filme derrière. Okay. Je fais mais c'est fou. Et vraiment la meuf elle était en train de sucer Gal. Mais vraiment c'est à dire que tout le monde pouvait les voir quoi. Ouais. Mais offrande au monde. C'était une vraie offrande et je fais voilà bah pareil, mourir. Ouais, mais pour. Mais c'est déjà c'était super dangereux vraiment. Vraiment tu regardes tu voulais la hauteur c'était fou Mais en même temps, un peu kiffant, quoi. Mais pour en revenir justement sur le truc d'énergie et tout, moi je pensais par exemple que j'allais faire des partouzes et prendre beaucoup de drogue. Tu allais avec cette énergie là, tu t'es dit. C'est pour ça que t'as pas roulé, t'as pas dormi pendant 12 heures. On va se faire sucer. L'objectif. Tu veux pas arrêter. Non, fais une pause. Non, on va se faire sucer. Non, parce que moi dans l'idée, tu vois, la spiritualité, je m'en foutais un peu. Tu vois, moi j'étais venu me faire sucer. Voilà, exactement. Parce que c'est dur ici, donc voilà. Et non, non, mais du coup, blague à part, je pensais vraiment être beaucoup plus libre que ce que. Wild, voilà, sauvage comme jamais. Mais en fait, pas du tout. Vraiment, je pensais que j'allais partir sur un truc, je sais pas, une odyssée du sexe, machin et tout. Et ben, en fait, pas du tout. J'ai pas embrassé une seule fille ou quoi que ce soit. J'ai pas eu de contact sexuel avec qui que ce soit. Mais en fait, je me suis fait super pote avec 3 milliards de personnes. Et en fait, juste ça, ça m'a satisfait. Et après, t'as pas de libido. Enfin, moi, je me souviens que j'ai zéro libido. La dust, le sable. Ouais, voilà, c'est pas... Tu dis, généralement, si j'ai un rapport avec ça, je vais plus avoir de peau, en fait. Non, mais l'hygiène et tout. Enfin, l'hygiène, même si on la ressent pas, enfin, ça donne pas forcément envie. C'est très chaud. Des meufs toutes nues toute la journée. Et en fait, t'as pas forcément libido et tu t'en fous, tu juges pas, t'es comme ça, t'as pas forcément d'excitation. C'est pas sexualisé, en fait. Non, c'est pas sexualisé. Pas du tout. Parce qu'il y a pas de ces interdits, en fait. Il y a pas les interdits de suggestion. Oui, c'est peut-être les interdits qui créent le truc et vu qu'il y en a pas. Voilà. Et en fait, du coup, tu vois autre chose en toi, en fait, que tes instincts primaires. Il y a plus de baisse aux vieilles charrues. Après, effectivement, dès que la nuit tombe, ça devient un peu plus wild. Tough. Fait. Alors d'ailleurs, il y a un truc. Enfin, il y a un truc aussi. Ouais, drogue aussi. Il y a un truc, c'est pour le coup, Burning Man, voilà, c'est chambé. Burning Man la nuit. C'est fou, ouais, c'est sublime. Que c'est sublime. C'est donc il y a pas d'électricité, donc tout le monde a des petits néons et des petits groupes, des roues et des en fait quand tu parles ton vélo tu le décores déjà pour voir. Tu le décores, donc tu as des flashlights et puis tu le décores avec des guirlandes de néons, verts, des LED bleu, vert, d'ailleurs, jaune. Je me permets de préciser, je te coupe 10 secondes parce que vous parlez tout le temps du vélo. En fait, tous les déplacements sont en vélo. Oui, voilà. C'est quand même impossible sans vélo. C'est très grand, quoi. Oui, parce que tu n'as pas le droit de prendre ta voiture et de rouler. Voilà, donc tu te gares et pendant une semaine tu bouges pas. Tous les trucs se font en vélo. Excuse-moi, j'arrive. Et non, non, voilà. Et effectivement, la première nuit à Burning Man, tu fais, mais c'est. T'as l'impression d'être dans une fête foraine, mais qui fait la taille de la ville de Nice, tu vois. C'est énormissime et c'est à perte de vue, tu vois, des néons et des LED et des flammes. Des chars magnifiques, ouais. Surtout les hard cars vraiment sortent la nuit, qui sont vraiment ils sont soit effectivement juste des gros véhicules artistiques, c'est-à-dire qu'effectivement, je me rappelle d'une, c'était une télé géante à roues, et dans la télé, donc il y avait une fausse émission, des mecs qui présentaient une fausse émission dans la télé de talk show, effectivement tu pouvais monter, te faire interviewer, etc. T'avais un bateau trois mâts en plein milieu de la playa, t'avais un Boeing. Et l'année dernière, un mec a ramené un 747 qu'il a désossé, qu'il a rehaussé sur la playa, et qu'on a fait une boîte. Mais une boîte, pareil, qui l'avion bougeait dans la playa, quoi. Il y a des bateaux, il y a plein de. Et c'est énorme, mais effectivement, et t'as certaines art cars qui sont très connues parce que c'est là où il y a les grosses. Enfin, c'est là où il y a les grosses. Il y a des boîtes, en fait, il y a des grosses boîtes de nuit vraiment énormes qui sont sur les. Enfin, des boîtes, des temples, boîtes, lieux de musique qui sont vraiment aux extrémités des. Parce que du coup, par exemple, le soir, tu dors bien, en fait. T'as pas la musique à donf, parce que les trucs sont quand même assez éloignés. Et par contre, t'as 3-4 art cars assez connus, genre la Robot Art, le Mayan Warrior, je sais plus quoi. Enfin, bref, il y en a comme ça 3-4 qui sont des art cars qui se baladent toute la nuit dans la playa. La voiture de Méniel. Voilà. Jeannot, et faut les retrouver. Faut aller les retrouver dans la playa par rapport aux. Parce qu'elles sont toujours en déplacement, et à un moment donné, elles s'arrêtent 3 heures au milieu quelque part, etc. Il faut aller les retrouver. C'est là où il y a les plus gros stuff et les plus gros DJ qui viennent jouer. Et toi, t'es à fond, t'es en train de. Bah tu enfin c'est une folie, le son de système est fou, les teufs sont ouf, les DJ sont ouf. C'est vraiment deux univers différents, ouais. le jour et la nuit. Ouais. C'est vraiment différent, ouais. Le jour, c'est justement beaucoup plus des rencontres, des trucs et tout, alors que la nuit, tu vois, en fait, déjà 70 000 personnes, en fait, c'est gigantesque. Ouais, c'est gigantesque. En fait, on s'en rend pas 70 000 compte. Personnes en vélo, néon et LED. France, ouais. C'est Stade de France, tu vois, tu te dis, bah, c'est que dalle, mais en fait, non, c'est huge. Ouais. Tu vois, 70 000 personnes qui sont dans la création et tout, et bah, ça crée un truc. À perte de vue, mais genre. Ils adorent les flammes, hein, putain, les hard cars qui balancent des feux, des trucs, tu fais waouh! Non, c'est beau à faire. C'est effectivement, tu pars avec tes potes, tu pars en vadrouille avec tes potes avec ton vélo, donc il n'y a pas de réseau, donc personne ne peut s'appeler ou se retrouver, ça. Et il suffit que tu t'arrêtes 2 secondes pour refaire ton lacet. C'est fini. C'est terminé. Parce que tu relèves les yeux et il y a eu 200 vélos qui sont passés devant avec des LED qui ont à peu près les mêmes couleurs que les LED de tes potes et tout. Et en fait, tu passes la nuit à faire une autre nuit que tes potes. Ouais. À rencontrer d'autres gens, à monter sur des hard cars, et après le lendemain matin, il fait ah bah moi hier j'ai fait ça, j'ai fait ci. Bah, j'ai une anecdote comme ça, c'est on s'était fait des potes américains dans notre camp, quoi. Et en fait, à un moment, je sais pas, je devais aller pisser ou quoi, j'ai dit bah on se retrouve à côté de cette voiture là, elle avait l'air de pas bouger. Sauf qu'il suffit que je me retourne, en fait, la voiture a bougé et il y avait 3000 personnes qui sont passées, c'était fini. J'ai fait ma soirée tout seul. Bah, j'ai kiffé. Je me suis fait plein de potes, machin et tout. Mais voilà, c'est ça aussi, quoi. C'est trop bien. Il y a un truc qui m'avait inquiété avant de partir, parce que quand tu dis, mais moi je savais pas du tout ce que c'était, vraiment, je savais rien du tout. J'avais même pas vu l'épisode de Malcolm, je l'ai vu plus tard. D'accord. C'est te dire, mais si je me sens mal, qu'est-ce qui se passe? Si jamais, déjà il y a des infirmeries, il y a plein de trucs, mais surtout, les gens t'aident. Ouais, de ouf. Si tu te sens pas bien, tu vas voir quelqu'un, tu dis, moi je me sens pas bien, il fait, ah merde, qu'est-ce qui t'arrive? Et tout le monde t'aide. Tout le monde se bouge, tout le monde vient de voir. Tu veux que je te suce? Non, alors non. C'est pas ta solution, c'est pas une solution à tout. Une tempête de sable. Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Oh, le sexe de Kian. Non, mais par exemple, j'ai eu un. À un moment donné, il était genre 17h, j'avais pris le cagnard avec le vélo pendant 3-4 heures. Et en fait, je sentais que j'avais une insolation, tu vois. Ouais. Et je m'arrête à un moment donné, et il y a une meuf qui vient me voir, qui me fait, ça va? Je fais, bah, pas trop, je crois que j'ai du mal à. J'ai mal à respirer et tout. Elle me fait, bah, viens. Elle m'a amené dans son campement, elle m'a mis une serviette congelée sur les épaules, elle m'a mouillé le crâne, elle m'a donné des Mr. Freeze. Mais genre, mais ça, c'était le truc qu'il me fallait là, ouais, tu vois. Ça pouvait pas être mieux, presque. Et ça m'a fait pleurer. Je sais pas pourquoi j'ai chialé, j'étais là genre, mais c'est tellement gentil, c'est tellement fou ce que vous avez fait pour moi, c'est tellement incroyable, merci. Ça m'a fait du bien, quoi. Donc il y a cette inquiétude de dire que je suis à l'autre bout du monde, je suis tout seul, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, bah, c'est ultra bienveillant. Les gens sont avec. À côté de nous, on avait un Doug qui est venu tout seul, le bon Doug, Uncle Doug, qui avait 70 piges, je pense, à peu près. Qui avait une histoire un peu sombre. Histoire dingue, sa femme était schizophrène, non? Ou bipolaire, je me souviens plus. Bipolaire. Et il s'était occupé d'elle toute sa vie. Et c'était son rêve de faire le Burning Man. Il n'avait jamais eu le temps de le faire parce qu'il s'occupait d'elle. Et en fait, à un moment donné, ils se sont séparés parce qu'il voulait vivre sa vie, en fait. Et il est venu tout seul. Et en fait, tu sentais qu'il avait tellement eu l'habitude toute sa vie de s'occuper de gens que quand il nous a vu débarquer, le mec, mais il nous a installé notre auvent, planté des trucs pour pas que les choses s'envolent. Il venait nous faire des hot dogs, il s'occupait de nous tout le temps. Et du coup, nous, on l'emmenait en teuf, quoi. Et il venait avec nous, il était là avec son petit vélo et sa petite casquette. Il a vraiment construit notre camp, quoi. Il a rajouté des trucs, de la lumière, des bâches au sol, etc. Il a mis la clim. Construit un immeuble. C'est devenu premium d'un coup. Vraiment, quoi. On l'a loué, on s'est fait découvrir. Alors après, on remboursait le Burning Man. Il nous a piqué nos CB, par contre. Il nous a piqué nos cartes bleues à la fin du mois. Non, mais il était vraiment adorable, quoi. Et c'est vrai que quand tu dis que tu as un peu été ému à ce moment-là, nous, on a bien chialé aussi. Avant qu'on parte, pendant qu'on partait, on avançait, le mec il était là, il avait les vitres comme ça. C'est fou. Ouais. C'était et il nous a regardé partir, les larmes aux yeux et tout. Enfin, c'était hyper émouvant, quoi. Enfin, c'était fou, quoi. Et il y a un truc aussi, ils sont assez invisibles, mais il y a quand même, en fait, l'organisation qui est vachement là. Il y a quand même des rangers, il y a quand même des. Oui, il y a des rangers. Des gens. Et surtout, il y a des bénévoles. Ils sont énormes. Je crois qu'ils sont quasiment. L'année dernière, c'était quasiment 600. Qui sont des bénévoles pour tous les gens qui font des bad trips, tu vois, à cause de la drogue. Et tu peux aller les voir. Ils te parlent, ils t'accueillent, sans jugement, tu vois, ils te prennent en charge, etc. Et surtout, tu peux aller les revoir le lendemain pour parler de ton expérience et pour faire une heure de psy avec eux, où ils font ce qu'on appelle de l'intégration. Ils vont voir qu'est-ce que tu as vu, pourquoi tu as vu ça. Enfin, tu vois, des trucs vraiment où ils t'aident en plus à ton bad trip devienne peut-être potentiellement quelque chose de positif dans ta vie, tu vois. C'est vraiment, vraiment assez ouf, quoi. Il y avait, tu te souviens, le psy, là, le mec était. J'adorais, je voulais t'en parler de ça. C'était fou, le gars qui avait un bureau dans le désert. Il y avait un bureau dans le désert, c'était marqué advice, conseil. Donc tu vas le voir, tu fais, bah mec, j'ai l'impression de faire ça. Il me fait, ouais, je comprends, mec. Mais je pense que c'est à cause de ça. Hein. Il te donne des conseils dans ta vie. Et après, tu pars, tu fais, bah ouais, merci, mec, tu m'as rappelé les bases. Fais plaisir, mec. Il te fait un gros câlin. C'était Orelsan. Il te fait un burn-out. Il n'a pas les bases, donc je me permets de te les. c'est vrai, mec, t'as remis les bases. Et il y avait un téléphone aussi dans le désert où il y avait Dieu. Tu peux décrocher, il y avait marqué Dieu, et donc t'appelles, il fait, Dieu. Ouais. Il y avait vraiment un mec au téléphone derrière. C'était pas juste un magnéto enregistré, c'est vraiment un mec à qui tu parlais, tu vois. Et en fait, effectivement, il y a des gens. Donc tu dis, ce mec-là, toute la journée, il est quelque part dans sa caravane en train d'écouter des gens et de leur parler, tu vois. Et par exemple, effectivement, on disait que chacun fait son burn. Il y a un mec, c'était Arthur qui s'était fait arrêter par lui. Il y a un mec qui est déguisé en Robocop toute la journée et qui arrête les gens en vélo. Il fait, ton pneu, il est dégoûté. Enfin, qui veut vraiment. Il a dit, voilà. Une semaine dans l'année, je serai Robocop. Voilà. Et il est Robocop. Il y en a pendant toute l'année, il se prépare pour cet événement. C'est ouf. Et tu sais que ça te transforme parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé. Il y avait un gars qui était en galère. Je lui ai dit, mec, ça va? Il me fait, j'ai crevé mon vélo. Je lui ai dit, bah monte, on va l'amener à une réparation. Voilà. Il y a des gens qui font des campements de réparation. On lui a réparé son vélo. Il était content. C'est ouf. Moi, je me souviens que j'ai déraillé à un moment donné. Et puis là, tout le monde sort et tout le monde t'aide, en fait. Ce qui ne pourrait pas arriver là dans Paris où tous les gens sont un peu dans leur truc. C'est ça qui est ouf. Les gens crèvent tes pneus, hein, déjà, donc c'est quand même complètement différent. C'est... Par contre, on te crève tes pneus si. Alors ça, oui. Si y a, non mais il y a un code, il y a un code qu'il faut respecter. C'est, je sais plus pourquoi. Si tu attaches ton vélo dans un endroit où tu peux pas te garer, genre tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. Il y avait des gars qui sont là pour surveiller la bienséance du truc. À un moment donné, ils te dégonflent tes pneus. Et s'ils te revoient avec ça, ils te crèvent tes pneus. C'était un peu bâtard, ça, je me rappelle. Je sais plus c'était quoi déjà l'histoire. C'est parce qu'on avait fait nos trucs. Et en fait, ça n'a pas le droit d'attacher un vélo. Il y a des vélos gratuits. En fait, il y a des vélos gratuits. Il y a des vélos gratuits. Et donc, si tu as ce vélo gratuit, je crois que tu peux pas attacher ton vélo gratuit à un autre vélo. D'accord. T'as pas le droit d'attacher ce vélo. Et si tu es attaché avec un autre vélo, il te crève l'autre vélo, quoi. D'accord. C'est des vélos qui sont faits pour être. Tu le prends, tu le poses, tu pars. Mais t'as pas le droit de l'attacher. Mais toujours, oui, dans cette logique de partage, en fait. Enfin, voilà. C'est assez ça. C'est assez logique. Il n'y a pas de possession, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de. Tu vois. Le seul truc que tu peux acheter, c'est de la glace. Il y a un grand truc qui s'appelle Iceland. Et du café. Et du café, ouais. Ah ouais, je savais pas, putain, on pouvait acheter du café. Ouais. Ah putain. J'y retourne. Pourquoi la glace et le café? Bah, parce qu'il fait trop chaud. La glace, les glaciers, tous les 3 jours, ta glacière, c'est de l'eau. C'est de l'eau et t'as une sorte de frigo qui se refait tous les 3 jours et c'est hyper glacial pour toutes les aliments que t'as ramené. L'énergie, surtout l'énergie que ça doit ramener, etc., pour produire toute cette glace, je pense que ça doit jouer, quoi. Et parce qu'on parlait, alors je vous demande pas des trucs intimes, mais on parlait de rencontres. J'ai baisé. T'as baisé, Jérémy? J'ai baisé. Eh bien, c'est la fin de ce podcast. C'était juste pour savoir ça. Non, vous parlez de rencontrer des inconnus, des gens que vous croisez, machin, mais vous y êtes allés en groupe tous les deux. Est-ce que ça a recréé des choses entre vous? Est-ce que vous avez eu des conversations que peut-être jamais vous n'auriez vues ou des trucs comme ça? Ah bah nous, il y a une après-midi, enfin même une journée entière, on est partis entre filles, donc Mélo, Natou et moi. Et on a fait plein d'activités et tout. Et à un moment donné, il y a une meuf qui nous dit: venez ici, on fait des cérémonies rituelles de cérémonies de l'amitié. Et en gros, tu vas dans une espèce de yourte un peu à la con et tout, machin. Et on se dit, ah cool, bon bah voilà, on va repartir avec un bracelet brésilien à la fin. On mettait pas plus de trucs, tu vois, là-dedans au départ. Et en fait, on s'assoit et t'as Tu as confondu avec Solidays. Deux choses différentes. Et il y a un espèce de paperboard et tout avec des questions, des séries de questions. Et en fait, les questions t'amènent à te dire des choses que tu te dis jamais dans la vraie vie parce que tu prends pas ce temps-là en tant qu'ami. Et c'est genre, qu'est-ce que j'ai pensé de toi la première fois que je t'ai vue? Quelle est la qualité que j'aime le plus chez toi? Quel est le moment où tu m'as blessée? Qu'est-ce que je projette avec toi pour le futur et tout? Et en fait, on se posait ces questions-là et chacune devait répondre les unes sur les autres. Autant vous dire que ça a fini en chialade. Ça a duré une heure et demie. On a eu le bracelet de merde brésilien. Mais, moi, je veux être comme toi, micro-influenceuse. Mais ouais. Voilà. Natou m'a dit, au début, je t'aimais pas parce que j'étais jalouche. Je savais que ça allait être très compliqué. Non, mais en vrai, on s'est vraiment dit des trucs hyper forts, en fait. Et ça nous a soudés à fond, quoi. Donc oui, moi, je trouve que dans des groupes... Tu passes une semaine vraiment... Ouais. Bah, nous, on se connaissait, on partait quand même souvent en vacances ensemble. Mais là, je pense que ça nous a encore plus... Enfin, ça nous a encore plus soudés, quoi. Puis même avec des gens qui sont pas forcément Burning Man avec toi, tu vois, ça te fait prendre... ça te fait... Putain, ouais. T'inquiète. Parce que je suis en train de construire mon Lego en même temps. Et parle plus dans le micro. Je parle plus dans le micro. Non, même pour des gens qui sont pas au Burning Man avec toi, tu dis putain, mais en fait, effectivement, ça te crée un truc d'empathie... Effectivement, t'as envie de dire des choses aux gens parce que tu passes ta semaine à dire des choses à des gens et à partager, etc., etc. Et puis, dès que tu sors du Burning Man et là, t'as le réseau qui revient et t'as 7 milliards de WhatsApp et de textos qui arrivent. Et tu commences à dire à des gens des choses que t'as envie de leur dire dans l'immédiat, quoi. Déjà, tu leur dis, faut absolument que tu viennes l'année prochaine avec moi. Ouais. Et, oui, en fait, t'as presque la frustration des gens qui ne sont pas là. En fait. Exactement. T'as envie de le faire avec tous les gens. Avec ta famille, avec tes frères et sœurs, avec c'est fou comme ça. Je trouve que le truc... le plus représentatif de ce que ça peut, à quel point ça peut te faire vibrer, c'est le rituel du soir, c'est-à-dire tu sais quand ça devient la nuit et que tout le monde sort dehors et hurle comme des loups. Ouais. Moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué parce qu'en plus nous on arrive à ce moment-là. Dès que le soleil se couche, tout le monde sort sur les caravanes, sur les RV. Et tous les soirs c'est comme ça, 70 000 personnes, les frissons de fou. Et là, quand t'es dans un groupe de potes et en plus au milieu d'un tout qui est le Burning Man, ça fait des frissons. Enfin moi c'est le truc qui m'a le plus marqué, quoi. Je crois. Très bien. Et est-ce que personnellement, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'on ramène un peu en fait quand on revient à la réalité? Artistiquement, ça m'a renforcé dans l'idée de générosité. C'est-à-dire, j'ai toujours vu les choses pour faire partager le travail qu'on faisait, tu vois, que ça existe et tout. Et je suis là encore plus là-dedans. Et mon stand-up a complètement changé, par exemple. Sur scène, je suis plus du tout pareil. J'étais beaucoup plus en retenue avant le Burning Man. Maintenant, je suis beaucoup plus. Déjà, j'ai pleuré. J'ai relâché des larmes que j'avais depuis super longtemps. J'étais hyper ému. Et ça a changé complètement mon stand-up. C'est-à-dire que les gens qui me voient sur ce qu'ils m'ont vu sur scène avant d'aller au Burning Man et qui me voient aujourd'hui, maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est deux choses totalement différentes. En termes d'énergie, en termes de tout, je suis complètement dans un lâcher-prise que j'avais pas avant. Oui, avant, t'étais plus, tu faisais plus attention. Je lâche prise, ouais. Je tenais un peu, genre, ah, on ne sait jamais, maintenant, je m'en bats les couilles. Ouais, et c'est hyper agréable. Jérémy ? Ouais, en fait, déjà là-bas, effectivement, ça te. Tu te permets plus de choses. Donc, déjà, il y a des blocages qui. Tu vois, c'est con, mais. Pareil, j'étais en vélo et donc vraiment, je suis tout seul en vélo en train de rentrer à mon RV. Et là, t'as une meuf qui m'arrête avec un mégaphone et qui me le colle à la bouche. Je dis, vas-y, crie quelque chose que t'aimes chez toi. Je crie quelque chose que je crois que je suis drôle. Va plus fort. Je crois que je suis drôle. Bon, dis-moi. Enfin, elle me fait crier trois fois. Et là, il y a plein de gens qui sortent de leur tente et de leur caravane. Ils font, oui, t'es drôle. Ils commencent à m'applaudir et tout. Et ça a duré peut-être 40 secondes en tout. Et après, j'ai repris mon vélo, je suis parti. Et vraiment, ça m'a vraiment bouleversé, en fait. Ouais. Je dis, putain, c'est ouf, quoi. Et effectivement, tu reviens à Paris. Alors, pas que ça, mais il y a plein de choses. Et tu reviens à Paris, t'es quand même vraiment beaucoup plus détendu par rapport à plein de problèmes. C'est-à-dire que tu dis, bon, en fait... Ouais, tu relativises de ouf. Ouais, tu relativises de ouf. Tu fais, en fait, et surtout, tu dis, ouais. En fait, et surtout, le truc aussi, c'est que tu passes vraiment 2 mois à raconter à tout le monde à quel point, voilà, c'est life-changing experience, etc. Mais surtout, c'est tu dis, en fait, il y a une espèce de, on va dire, de lumière au bout du tunnel. Et ça, tu dis, en fait, ça existe. Juste, je suis allé dans un truc qui existe. Et je sais que ce truc de partage, je l'ai vécu, ce truc-là, en fait, ça... Alors, effectivement, que le monde entier soit comme Burning Man et toute l'année, je pense que, bon, c'est utopique. Mais quoi qu'il arrive, je me dis, si ça continue, Burning Man, il y a au moins une semaine dans l'année où je pourrais aller dans un endroit où le déconnecte, l'empathie, le partage, etc. Après, c'est quand même assez dur parce que la ville et la vie, surtout Paris, te remange très très vite. Et oui, tu, en 3 semaines, t'oublies tout. Et t'oublies tout. Et alors que t'essayes vraiment, tu dis, en fait, c'est vraiment ça qui est le plus dur, c'est qu'est-ce que je peux ramener. Moi, c'est la première question que je me suis mis, qu'est-ce que je peux ramener dans ma vie de tous les jours de ce que j'ai vécu pendant toute cette semaine, quoi. Comment je peux l'intégrer dans ma vie de tous les jours. Au début, t'essaies de le faire. Après, bon, c'est un peu complicado, mais faut donner aux gens, donner. Ouais. C'est le réapprendre que. C'est là la logique d'un truc, c'est qu'on possède tous des choses dans tous les sens chez nous. On a plein de trucs, plein d'objets. C'est sûr, on a tous un peu à un moment donné surconsommé. On a tous acheté un truc dont on s'en fout et tout. Et ben ça fait plaisir à quelqu'un. Et si on l'offre à quelqu'un, on va retrouver le plaisir qu'on a eu quand on se l'est offert à nous-mêmes. Tu vois, on s'est dit putain, je vais m'acheter. Par exemple, j'avais des chevaliers zodiaques. Les gens qui, tu vois, j'ai plein de figurines chevaliers zodiaques. Il y en avait plein que je me suis dit, bah, je les aime et je suis content et tout. Et j'ai appelé les 3-4 collectionneurs que je connaissais. Je leur ai dit, bah mec, je t'en offre quelques-unes. Et t'aurais dû voir le quoi ? Pourquoi ? Je sais pas, ça me fait plaisir. Et puis en plus, ça me libérait de la place. C'était vraiment plein d'avantages. Et ça m'a refait plaisir. Et j'ai revu le dans l'œil de la personne, le bah bon, t'es sûr ? Oui, donc ça te fait plaisir à toi aussi. Mais grave. Mmh. Et tu vois que les gens qui sont en dehors de tout ça ne peuvent pas comprendre. Ils disent, mais pourquoi tu donnes ça ? Parce que ça me fait plaisir de te l'offrir, enfin je te l'offre. Ouais. Puisque je te le donne, je te l'offre en fait, ça me fait kiffer. Et tu me suces. Il y a une tempête de sable. Bah non, là on est dans le 12e. Oui, mais elle arrive. On se rend pas compte, mais en tant qu'humain, on a oublié le plaisir de faire plaisir. Et je pense que c'est le plaisir le plus. Tu t'achètes une paire de chaussures, tu kiffes. 3 semaines après, tu t'en bats les couilles, t'as pas de chaussures. Maintenant, c'est celle qui t'aide à marcher, tu vois. Et tu t'es plus en train de la regarder comme quand tu la désirais. Par contre, quand t'offres un cadeau à quelqu'un, il y a un truc, il y a un sentiment. Ça doit pas être la même drogue que quand t'achètes un truc que t'as envie d'acheter. C'est une autre drogue dans ta tête et ça te. Hein, c'est ce qu'on dit, c'est le vrai bonheur, c'est d'en procurer aux autres. Il y a ce truc de. Tu kiffes, mais comme tu dis, partager, etc. C'est du bonheur. L'autre, c'est un plaisir, là, c'est du bonheur. Et je pense qu'on a. Le Burning Man te ramène ça et on a. On oublie, mais faire à manger, c'est comme faire à manger à quelqu'un, faire un truc à quelqu'un qui lui fait plaisir. Je pense que c'est la clé du. Enfin, c'est ce que ça m'a vraiment conforté dans le sens. J'ai toujours été un peu comme ça, essayer d'amener les choses aux autres, mais là, ça m'a dit, mais vas-y, autoroute, vas-y, fonce là-dedans, c'est ce qu'il faut faire. C'est là le bonheur. Non, mais je comprends pourquoi tu nous fais autant de guacamole maintenant. Quel goût il a. Épicé. Tom, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de ton côté Eh ben, moi, en fait, je pense que c'est surtout, enfin. Par rapport à comment je voyais la chose, en fait, j'ai surtout appris sur moi-même, sur justement, en fait, je pensais vraiment que j'allais rider, machin, trouver des choses un peu mystiques, etc. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est le côté très, très, comment dire, enfin, très spirituel, ouais. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Tout à l'heure, je faisais des blagues. J'aime pas que le cul, j'aime aussi la spiritualité. Voilà. Bah, on peut écouter ton podcast, cul et spiritualité. Voilà. Et la drogue. Et non, non, mais voilà. Fellation et magie noire. Ouais, et en fait, à la surprise, moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé, par exemple, moi, je pense pas que ce soit un life-changing experience. Enfin, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Mais j'ai beaucoup appris, en fait, sur. Déjà, en fait, ma manière de faire, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais si je suis tout seul dans un endroit aussi chelou. Et en fait, ma boussole perso m'a amené à faire des choses qui sont assez cohérentes avec finalement ce que je suis et ce que j'ai envie d'être. Donc ça, c'était vraiment super cool. Et aussi, parce qu'en fait, ça reste un festival américain, j'ai beaucoup appris, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis, comment fonctionnent les Américains, parce que là-bas, c'est majoritairement des Américains. Et... ils ont en fait une certaine manière d'être généreux qui est assez folle, etc. Mais aussi, c'est des gens qui sont très émotionnellement... Ils ont des problèmes... Enfin, y a, par exemple, je suis allé dans un truc de yoga où il y avait une espèce de conférence. Et en fait, il y a tout le monde qui s'est mis à chialer comme pas possible. C'était hyper deep et tout. Mais en fait, moi, j'étais pas du tout touché. Et en fait, je pense que les Américains ont un truc très particulier... là-dessus, et voilà. Donc, et donc, t'étais tout seul à pas pleurer, entouré de plein de gens qui chialent. Alors, il y avait aussi Quentin Eden, et en fait, on comprenait pas ces gens. Quentin Eden qui faisait partie, on se disait, mais c'est bizarre et tout. Et en fait, on fait, ah putain, en fait, ok. Je pense que cette personne-là a dû parler à un peuple, tu vois, ouais. qui a une vraie histoire, tu vois. Et en plus, il parlait de viol et tout, donc c'était très bizarre. mais voilà. Mais surtout, en fait, principalement, c'est apprendre sur qui. Comment je pourrais fonctionner en fait dans ce genre d'endroit quoi. Et c'est vraiment ouf. Et toi Ludoc? Je pense moi ça m'a appris à être beaucoup plus ouvert ou d'aborder beaucoup plus facilement les gens, parce que moi je sais que je suis quelqu'un de très oui, c'est ce que j'allais réservé, dire, etc. J'étais un peu introverti et voilà. C'est vrai que d'aller dans un festival comme ça, ça... Bah là ça m'a, je me suis dit en fait comme Kian disait, c'est le côté un peu tu t'en fous en fait, tu vas discuter avec les gens et c'est cool, tu partages et c'est tellement bienveillant en fait que t'as pas peur du rejet, t'y vas, tu parles et c'est ouais. Cadeau en fait. Et la simplicité en fait des relations quoi. Par exemple, on parlait de Doug avant, en fait c'est devenu un grand ami, vraiment. Tu vois. Genre vraiment quand on est parti, il y avait une vraie émotion, un truc qui était au-delà de genre c'était notre voisin quoi. Enfin c'était fou quoi. Ouais, c'est simple, tu rencontres vraiment des gens passionnants en plus. Vraiment, ouais, c'est ça. On est pareil, on allait à une soirée et puis il y a une nana qui fait « Vous voulez bouffer un barbecue sur notre toit ?» Ouais, ok. Et on monte et on parle à la nana et puis elle fait ah bon vous faites quoi, fait, bah nous on est un peu dans l'art, enfin cinéma, télé, stand-up, etc. Et toi tu fais quoi? Bah moi je construis des ordinateurs quantiques. Et genre c'est la plus grande spécialiste d'ordinateurs quantiques. Il y a des pointures de ouf mais c'est au Burning Man. Ah oui, bah voilà, ça c'est ma boîte. Je suis... Donc en fait on a parlé de physique quantique et ordinateur quantique et tout ça pendant genre une heure tu vois, avec elle quoi. On est à 4 heures de la Silicon Valley, donc il y a vraiment tous les gars de la Silicon Valley qui vont là-bas tous trouver les grands des réponses. Patrons de Google, etc. qui y sont quoi, c'est dingue. Et toi Vanessa, qu'est-ce que... Moi je me sens proche de Jérémy dans ce qu'il dit, c'est-à-dire ce truc de se dire que ça existe quelque part, moi ça m'a calmé énormément d'angoisse, mais genre vraiment. De me dire qu'il y a un endroit qui coche plein de cases de liberté, de... Parce que, enfin, en fait, je trouve que le default world porte bien son nom parce que c'est un truc où, en fait, on est tout le temps emprisonné dans des trucs et dans des cases et des injonctions et des trucs comme ça. Là-bas, c'est tu fais vraiment, vraiment ce que tu veux tout le temps et c'est très rare et c'est très précieux. Donc, cet endroit qui existe... c'est moi, ça a tout changé, même si je vais pas forcément y aller tous les ans, genre là j'ai pas réussi à avoir des places pendant 2 ans, juste de savoir que c'est là, ça change tout. C'est ce truc de liberté, c'est et de prêter encore une fois les gens le plus possible à l'art quoi. Enfin, oui, c'est très artistique comme c'est de dire que moi c'est le seul truc qui peut tout calmer quoi. Ouais. En fait. Et surtout là je pense qu'on sera tous d'accord, mais dès qu'on y allait une fois on a envie d'y retourner tous les ans, vraiment, tout le temps, tout le temps. C'est trop dur à expliquer là en fait, parce que là on dirait d'amener d'autres personnes, prendre la main d'autres personnes et les amener. Qu'est-ce que tu ressens toi Flaubert avec tout ce qu'on t'a dit, tu ressens ensemble? Ouais, de ouf. Non mais c'est vrai, moi c'est ce que je disais, moi je suis justement le gars plein d'a priori qui je pense voit les, a vu le documentaire de Antoine de Maximi et, ou de Marie Saint-Filtre, voilà, quel enfer. Ah là là, cette meuf là typiquement de Maximi, il est allé avec un a priori. il est allé avec un prieuré et il s'est mis dans un quartier où il y avait uniquement ça en fait. Ouais, je crois ouais, que c'est, ça parle uniquement de sexe, etc. Ouais. Il a pas bougé en fait, il a pas vraiment vécu le. Oui, il y a un truc en plus un peu. Alors on va pas clasher Antoine et Maxime, mais il y a un truc aussi où il fait oui, oh là là, ils veulent pas qu'on filme et tout, alors qu'en fait c'est assez logique en fait. Ah bah attends, ah, oui, moi j'ai des nudes, ça casse le truc. Tu fais voilà. Ce que tu veux, non mais c'est ça, moi j'étais en soutif tout le temps, j'ai pas envie d'avoir des vidéos de moi sur internet où je suis en soutard quoi. Mais on est en train de se faire sucer sur la balançoire, on peut faire ça tranquillement. Je suis en train de me faire sucer. Jamy, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est Fred, en plus j'ai raté. Pour te répondre, Kian, en fait, non, ça donne extrêmement envie. Mais en fait, c'est comme sauter en parachute me donne envie, comme. Ouais. Comme bah, tu peux faire les deux là-bas. Hein? Tu peux faire les deux là-bas. Tu peux arriver gratuitement là-bas. En Burning Man en sautant en parachute. Mais ça m'a l'air d'être un grand truc. Et en fait, moi, le problème, mini problème, c'est que j'ai pas envie d'y aller avec des gens. Mais du coup, c'est un peu effrayant d'y aller tout seul aussi, quoi. Mais je sens que. Je crois que si je devais y aller. Je crois que ce serait tout seul. Ouais, je comprends. Parce que même là, cette année, je suis parti juste à Los Angeles tout seul 2 semaines, donc avec évidemment, là pour le coup, bien du capitalisme et bien tout ça et tout. Mais de me retrouver tout seul, je me rends compte que déjà, je crois que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et en fait, vivre ce truc-là, je crois que j'aimerais le vivre tout seul. Ouais, mais la semaine entière me fait peur. Mais le fait que ça dure une semaine entière. Après, tu peux te barrer hein, quand tu veux. C'est-à-dire que t'as un système de bus. Mais ça, c'est intéressant, je savais pas par exemple. Oui, t'as un système de car où tu peux vraiment. Il y a des gens qui viennent que pour le week-end. Alors, ils ont leur billet à 500 balles, mais il y a des gens qui viennent pour 3 jours, 4 jours. T'es pas du tout enfermé. Mais même, t'as oublié, je sais pas, ton traitement médical et qu'il te faut une pharmacie, t'as un bus et tu fais l'aller-retour dans la journée. Tu vas à Renault, ils te ramènent à Renault. Non, c'est pas Renault, c'est à Gilbert. Jean Renault ? Ouais, ils te ramènent Jean Renault. Et qui te fait toutes les réplique de Godzilla. Mais ça va beaucoup mieux, ça traite beaucoup, beaucoup de maladies. Je suis très heureux que sur toute la filmographie de Jean Reno, ce soit Godzilla. Mais on n'a pas parlé d'un truc, c'est la cérémonie du man et du temple. On n'a pas parlé du temple. Ah, mais le. Peu... Voilà. Non, mais on allait. Et on n'a pas parlé de drogue. Eh ben alors, Jérémy, la drogue. Le teuteux, Jérémy. Non, mais là, déjà, alors moi j'ai une question. Alors, comment t'en as trouvé? Parce que là-bas, c'est... nous on s'est dit, vas-y, on y va, on trouvera tranquille là-bas. Et en fait, pas du tout. Pas de commerce, pas de ville. C'est pareil. C'est-à-dire que nous, c'est à l'entrée, ils vérifient de ouf. Hein. Alors, ils vérifient, puis effectivement, c'est en fait, c'est chaud. Enfin, faut en ramener soi si tu veux en avoir, ou trouver quelqu'un qui t'en filme, et t'oses pas demander. Bah ouais, ça, au début, t'oses pas demander parce que bon, voilà, là-bas, tu sais pas trop. Tu te fais choper, y a une prison à l'intérieur du Burning, si je dis pas de bêtises. Mais une prison un peu rigolote. Ouais, ils sont. C'est là où ils font le guacamole. Ils sont slip. Et ils pètent. Ah, ouais. Et en fait, le truc, c'est que c'était dans le camp de Kian, je crois. C'était dans le camp de Kian. Et en fait, moi, je me suis drogué que le dernier soir. Et en même temps, franchement, t'en as pas besoin. C'est-à-dire qu'il y en a, ils se font. Ils se font LSD Monday, MD le mardi. Enfin, ils font genre des drogues tous les jours différentes. Par semaine, quoi. Ouais. Et là. Zyrtec le jeudi. Et là, il y a une meuf de votre camp, là, je sais plus quoi, qui avait laissé un. Mais un paquet, mais genre, mais je sais pas, il doit y avoir 10 G de MD, voilà, enfin bref, de MD quoi. Oula, ça parle drogue. Hein. et moi, voilà. Et donc, on s'est fait des paras, bon, ceux qu'on voulait, on prenait, etc. Et je suis parti, mais tellement loin en train de danser sur sur tous les chats et ça, donc j'étais en gros témoin sur de du MD. Skrillex. Il y avait le vrai Skrillex. Ouais. Ah oui, il y a des gros DJ aussi. Il y avait des faux Daft Punk, mais il y avait les vrais Skrillex. Ah oui, il y a toujours cette rumeur des Daft Punk. Ouais, ils ont joué. C'est génial. Si tu vas tout au bout de la playa, tout au bout du désert, une petite pyramide avec deux gars dedans et de la musique des Daft Punk sur une petite enceinte. Et non, t'étais avec Arthur. C'était là, c'est quand je me suis vautré dans l'escalier. Et donc, je suis full MD, je suis en montée, je suis sur le Jaguar qui est vraiment un art car tout en acier et tout. Et tout le monde fait, bon, on va à la Robot Art, qui est genre la soirée la plus connue de Burning Man. On va à la Robot Art, il y a le Sunrise, en gros, on fait la teuf jusqu'au lever du soleil. Quoi. Je vais, ok, donc je sais pas déjà comment j'ai fait pour pas les perdre tous, tellement j'étais loin. Ouais. Parce que moi, j'ai pris des champignons hallucinogènes qu'on m'a offerts. Ouais. J'ai pleuré de bonheur, mais je me suis perdu. Ah ouais. Terminé. Je me suis retrouvé à New York. Ouais, voilà. Et je descends l'escalier en métal, là, et je me vautre et je me prends la barrière pour se tenir de l'escalier dans la gueule, vraiment je me prends une patate dans la gueule par un escalier. Et là je descends et là je commence à sentir quelque chose de chaud vraiment dans la bouche, et je mets ma langue et je sens ma langue qui rentre vraiment dans ma lèvre. C'est-à-dire que j'ai la lèvre mais genre explosée, quoi. Et je vais voir Arthur, je fais il fait, ah mec, ça va? Je fais, escalier. Je fais un signe comme ça où je montre comment je me suis pris là-bas, et donc je fais escalier. Et ouais, bah ouais, je vois ça. Et donc j'ai passé 3 heures aller voir des gens, leur taper de l'épaule, et ils se retournaient, ils me regardaient, ils disaient, ouais, et je faisais, escalier. Escalier. J'ai vraiment passé 3 heures à dire à des gens, escalier. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et ça m'a pas empêché. T'es en train de saigner, genre, ouais, mec, dégage, dégage, dégage. Escalier, escalier. Ouais, ouais. Et je suis quand même allé à la Robot Art, j'ai eu le sunrise, une folie, faire la teuf, en montée, avec tout le monde, avec le soleil qui se lève dans le désert, c'est magnifique. Et après, tu rentres tout content avec ton vélo. Non, mais c'est oufissime. T'as la lettre buconique, ah ouais, mais t'es bien, quoi. Escalier. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Évidemment. Mais rentre, hein, va peut-être. Non, mais c'est bien, c'est cool. Et donc, faire la teuf dans le Boeing, c'était ouf aussi. Au bout de... Ah, t'as fait le Boeing, toi? Ouais. C'était une boîte de nuit, quoi. C'était le mec, il a fait une boîte dans le Boeing, quoi. Ça, c'est ouf. C'est ouf. Et donc, oui, ce que tu disais, Vanessa, à la toute fin de ça, il y a donc la cérémonie, enfin c'est la fin, quoi. C'est la fin. Le samedi soir il brûle le man et le dimanche soir il brûle le temple. Alors donc brûler le man, c'est-à-dire, et bah le ça vient de là, le Burning Man, en fait. Ouais, à la base c'était deux mecs qui ont d'abord brûlé un bonhomme de bois après sur une rupture, plage, sur une plage, quoi. Sur une plage de San Francisco, ouais. Ouais, et chaque année ils se doublaient, après ils étaient une vingtaine l'année d'après, enfin ils étaient déjà une vingtaine, je crois, la première fois, après ils étaient genre une centaine, et puis 200, puis à un moment la plage de San Francisco a fait vous pouvez plus le faire ici, hein, c'est dangereux quand même. Et ils ont trouvé cet endroit, et après, voilà, de fur et à mesure, c'est jusqu'à 80 000 personnes maintenant, quoi. Il a tout le temps la même voix que le mec qui s'incruse dans les tentes. Oui. J'adore. Bonjour. Cette personne qui a inventé le Burning Man, mais qui va enculer tout le monde dans le Burning Man. Et d'ailleurs, oui, il y avait une tempête. D'ailleurs, c'était très beau l'année dernière, parce que le gars, le créateur, est mort l'année dernière, donc c'était en plus un Burning Man un peu spécial, parce que tout était en hommage au... Il y a une espèce de musée du Burning Man qui est assez sympa, tu rentres dans... Enfin, quand, qui est genre un musée... C'était quoi le thème, vous? C'était Alien. Enfin, c'était Alien. Ah oui, c'était Robot, vous, non? Alien and Robot. Ouais, voilà, c'est ça. Et nous, c'était quoi déjà? Primal Ritual primaire, je sais plus. Ouais, je sais plus. Chose comme ça. Ouais. Là, le Burning, c'était iRobot l'année dernière, et là, c'est Metamorphosis 1. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le Burning a un thème chaque année. Ouais. Ah, mais c'est pour ça la technique. Qui drive un peu les œuvres d'art, qui drive aussi le nom des rues. Parce que donc, ça, en fait, t'as des rues, enfin, c'est comme ça que tu te retrouves aussi, c'est que t'as des noms de rues et t'as des. Donc, 1, 2, 3, 4 et des lettres. Et donc là, les noms de rue avaient des noms de robots connus, genre. J'en ai pas. Bender. Bender. Pour B, c'était Bender. C'était dans l'allée B, c'est allée Bender. Ouais. Et donc, oui, quand vous brûlez le man, vous avez tous. En fait, t'es obligé d'assister à ce truc-là. Ah ouais. Ah fin, ouais. Ah ouais, puis t'as toutes les arcades qui viennent, qui font un arc de cercle, tout le monde se tait. C'est la scène. Il y a un silence total. Il n'y a plus rien, ouais. C'est incroyable. Ah, c'est vraiment fou. En plus, le man change évidemment chaque année puisqu'il est brûlé. Et en fait, ils font des appels à des architectes ou des constructeurs et des choses comme ça. Donc, le temple et le man, en fait, chaque fois est différent. C'est une œuvre d'art différente. Et là, donc, t'es autour. Il y a toute une cérémonie où il y a des cracheurs de feu, des danseurs, des trucs comme ça et tout. Ça dure un petit peu, machin. Et après, d'un coup, t'as des déflagrations énormes. Et le coup de chaleur qu'on s'est pris, c'était fou. Mais c'est. Et flippant, enfin moi j'ai un peu flippé. Mais c'est un brasier, il est énormissime. Ouais, quoi, combien de mètres de haut, c'est gigantesque. C'est... Je sais pas. Le nôtre devait faire 12, le nôtre était un peu petit par rapport au précédent, mais il devait faire 12 ou 15 et c'était quand même déjà assez impressionnant. Ah, c'était incroyable, incroyable. Et tu vois les gens sourire parce que nous on n'a pas vu le temple brûler, tu l'as vu toi? Non, mais on est parti, pareil, on est parti la veille, on est parti après le man. Le man c'est joyeux, comme c'est vraiment une cérémonie joyeuse et c'est vraiment de la célébration pure et dure, alors que quand il brûle le temple, donc qui est le lieu de. De deuil, de culte païen. Le lendemain, là par contre, c'est complètement, je crois, un autre délire. Dans le temple, toute la semaine, tu viens mettre une photo de, ou un truc de qui t'est cher, en fait. Ouais. Dans le temple, tu viens accrocher une photo des gens morts et tout. C'est vraiment le moment où tu recueilles ton deuil, quoi. C'est une de mes grosses claques aussi, le temple. C'est-à-dire que j'y étais pas du tout allé de toute la semaine. Et je suis allé le dernier jour. Parce qu'il est toujours il est un peu plus loin dans la playa. Et puis, bon, c'est voilà. Le plus éloigné, ouais. Et je rentre. Par rapport à Daft Punk. Ouais, pas. Je crois que c'est pas trop long. Et tu arrives dans le temple et tu vois plein de gens en train de prier, en train de pleurer surtout. C'est-à-dire que t'es entouré de gens en train de pleurer et tu vois mais des centaines et des centaines de photos, de mots, de gens qui sont décédés, en fait, de gens qu'on... Et à un moment donné, là, je me retourne et je vois, il y a des Japonais, ils étaient genre une vingtaine habillés tout en blanc, en train de porter un espèce de c'est pas un cercueil, mais en tout cas une urne avec la photo d'un gars qui était un pote à eux, avec qui ils ont fait plein de Burning Man, et qui sont arrivés, qui ont qui ont déposé le truc, les cendres et tout. Enfin, c'était même toute la semaine, tu les voyais marcher, ils marchaient comme ça en silence sur la plage, sur ce qu'on appelle la playa, c'est tout l'espace de désert et tout, et ils marchaient comme ça en genre à 12, quoi. Enfin, même c'était plus à 30, et ils marchaient en rang silencieux, et ils faisaient le deuil de leur ami, quoi. C'était assez impressionnant. à un moment donné au temple, un soir on y était, et il y avait un gars qui avait mis son piano, c'était un piano électrique, et en fait il distribuait des casques, il y avait une grande caisse avec des casques, tu pouvais la prendre, tu mettais un casque, tu te mettais pas loin. Moi je m'étais allongé, j'avais mis mes vélos en triangle, je m'étais allongé, je me suis même endormi sur la plage comme ça tranquille, et t'écoutais la musique qui jouait quoi, et c'était hyper beau. T'étais dans le temple quasiment et t'étais dans une ambiance assez folle quoi. Et le mec te filait des casques et tu pouvais écouter sa musique tranquillement. C'était fou. Ah, c'est fou. Et moi, quand j'y suis allée, il y avait des gens qui faisaient une espèce de transe méditative ensemble. Donc c'était un peu. Enfin, c'était. Ouais, c'était beaucoup quoi. Ouais. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui, du coup, un peu décompensé à ce moment-là. Je pense que c'était un vieux monsieur qui devait avoir perdu sa femme et tout et qui s'est mis mais à hurler. Mais genre. Et là, tu vois, tout le monde se rassemblait autour de lui pour essayer de le recharger quoi. Et après arrive un orchestre. D'instruments à cordes, tu vois. Les LEG d'ailleurs, c'était les LEG. Ouais, voilà, et ils se mettent à faire une symphonie et tout, à 8, comme toi le piano, tu vois, un truc comme ça, et on était tous au milieu, ils ont fait une messe et tout, enfin c'était fou quoi. Fou. Et t'entendais au loin, escalier. Escalier. Escalier. Mais ouais, enfin moi j'ai pleuré automatiquement, enfin je suis rentré dans le temple et en moins de 15 secondes j'étais en train de chialer quoi. Pareil. D'accord. Ouais. Les larmes qui sont quand même un vrai truc du Burning Man, hein, visiblement. Oui, ouais, mais même tu chanter par exemple, il y a des endroits, il y a des mecs qui jouent au piano comme ça, que tu vas le voir, tu veux chanter quoi, tu te mets à chanter à côté de lui, ça c'est. On a eu un orchestre philharmonique. Il est 10h30 quoi. Il est 10h30 du matin. Le mec il a, tu veux un café? Ouais, cool. Vas-y, tu joues du piano? Ouais, grave. Vas-y, viens faire un truc ensemble. Et on chante et les gens ils s'arrêtent autour de nous, ils nous applaudissent. Et après, c'est bon, c'est fini. Et pour vous demander des trucs un petit peu plus directs, mais je vais faire un petit tour de table. Le truc peut-être le plus chelou que vous avez vu, Ludoc, par exemple, un truc le plus chelou, le plus surprenant. Là, plus... je l'ai pas. Je me souviens de ma première réaction sur la playa quand on arrive en prenant le vélo. Et là, j'étais Et quitte à être prétentieux, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vu des endroits fous. Mais oui. Là, c'était vraiment, j'étais ultra impressionné et j'avais le sourire comme un con. Donc je pense que c'est ma première image qui m'a marqué, c'est d'arriver, parce qu'en plus on est arrivé un peu tard, peut-être vers 18-19h. Et donc c'était couché de soleil avec les lumières qui commençaient à s'allumer. Et c'est le premier truc que j'ai vu et ça m'a vraiment marqué. Mais tu t'étais renseigné ou pas du tout, toi, sur le Burning Man? Parce que je sais, vu que tu voyages beaucoup, justement, tu fais des recherches. Justement, en général, je m'informe beaucoup sur les endroits où je vais. Et là, même en ayant vu beaucoup de photos, en regardant beaucoup de vidéos, là, j'étais comme un con au milieu en me disant c'est complètement dingue, en fait. C'est ce que j'allais dire, parce que justement, là, on en parle depuis tout à l'heure et on pourrait se dire on est en train de vous griller absolument tout. Non, c'est impossible. C'est le truc. 90% du Burning Man, de toute façon. Et le truc le plus frustrant, c'est que tu prends 1 milliard de photos et de vidéos. Et quand tu les re-regardes et quand tu vous montres à quelqu'un, tu fais non, mais faut y être. Tu es obligé de justifier chaque photo parce qu'en fait, la nuit, c'est impossible à filmer. J'y suis allé avec plein de matos parce que je voulais justement ramener des images, parce que c'était mon truc en plus à l'époque de voyager, de ramener des images et tout. Et en fait, au bout du deuxième jour, je me suis dit en fait, c'est impossible de retranscrire ce qu'on voit. Il y a des trucs qui se vivent et les seuls trucs qui peuvent se retranscrire visuellement, ça va être la fête, ça va être des. Enfin, je veux pas que l'image du Burning Man soit juste des trucs visuels. De teuf, ouais. Et en fait, au bout de 2 jours, j'ai abandonné parce que c'est. En fait, tu le vis, en fait, c'est pas du tout un truc qui. C'est très difficile à raconter déjà, très difficile à prendre en photo, etc. Et c'est un truc qui se vit. C'est la phrase de con, mais c'est. Non, mais clairement, c'est vraiment ça. Tom ? Bah, en fait, en vérité. Tout est tellement décomplexé, en fait, c'est tellement cohérent. Et tout en fait, est chelou, en fait. Il n'y a rien de spécialement chelou, quoi. Surtout que c'est, tout va bien, quoi. Enfin, là-bas, même le truc le plus chelou, c'est souvent fait. Enfin, c'est tout le temps avec bienveillance et tout. Donc, en vérité, tu vois, tu ne peux pas juger, en fait. Non, mais quand je dis chelou, c'est un truc qui t'aurait marqué, quoi. C'était plus ça. Ah, c'est, qui m'a marqué. Tout est marquant, donc. Ouais, franchement, il n'y a rien de. Bah, c'est le Burning Man, c'est quoi. Là où tout, je rejoins tout le monde, c'est que c'est hyper dur de retranscrire un truc en particulier. Moi je me souviens juste du moment où je voulais rentrer, c'est vraiment quand je faisais la queue et que j'étais jetlagué, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, parce que j'avais trop chaud, j'étais desséché, je ressemblais à un grippin, ça n'a aucun sens. mais voilà. Et alors maintenant tu ressembles à Kim Chapiron. Et ben voilà, c'est ça. Belle évolution. Bon, on fait ce qu'on veut. Ouais, mais je suis d'accord avec Tom. En fait, le truc c'est que tu te rends compte à quel point le cerveau il est plastique. Et peut-être que là les gens qui vont nous écouter vont se dire mais ça, c'est surréaliste. Non, je crois pas. Mais ouais, en fait quand t'es dedans, très vite ton cerveau il admet que tout est possible. Oui. Et qu'il y a rien de choquant et t'es même pas cynique Alors qu'on serait à Paris. Il y a trop de trucs bizarres où tu ferais genre, mais sérieux quoi. Et tu te mets très vite. Oui, parce que moi, ligne 13, quand il y a un clodo qui piche, je suis un peu genre, oh quand même et tout. Et ah non, non, Burning Man, ça, Burning Man, tranquille. Tranquille. Ah ouais, ouais. Je peux pisser dans ta tente. Oh bah vas-y, je t'en prie. Bah tu pisses dans dernière des. Dernière fois. La tempête n'excuse pas tout. Mais après, dans de trucs waouh, wow, j'ai l'impression que j'ai un peu grillé déjà toutes mes cartouches là, depuis le début du podcast. Non, mais tout est fou en fait. T'arrives et le curseur il est tellement haut que tu passes tes journées à avoir la banane, à avoir des trucs. Et surtout, tout est sur. Enfin, et en plus de ça, t'as l'impression quand tu pars du Burning Man d'avoir fait 20% quoi. Ah, mais même vraiment, pas, que dalle. Moi, il y a des quartiers, j'y suis pas du tout allé. Il y a des zones de la playa, j'ai rien fait du tout quoi. La Dark Playa, je l'ai pas faite non plus. Ah bah, moi non plus. Ouais, j'ai tout. C'est pour ça qu'il faut y retourner en fait. Bah oui, en fait, c'est ça qui te donne envie d'y retourner, c'est que tu te dis à chaque fois, bah, on va essayer de compléter ce voyage, mais en fait, à chaque fois, bah, tu te donnes encore plus de. Pardon. Et rien de ta journée se passe comme ce que t'avais prévu, quoi. Tu passes ton temps à être. Ce qui est vachement aussi libérateur, quoi. Oui, c'est parce que j'ai un souvenir du podcast qu'on avait fait ensemble, c'était genre, oublie tout ce que t'as prévu de faire. C'est ce qu'on dit au début. Au début, c'est la phrase qu'on dit. Tu peux te faire un itinéraire si tu veux, mais au bout de la deuxième étape, c'est terminé. Tu peux passer à autre chose. Vraiment. Kian ? Moi, j'ai été assez touché parce qu'il n'y a personne qui te force à faire un truc. Ah oui. Si tu dis, le mec, tu veux un verre de tequila, tu fais, je bois pas d'alcool, il fait, ah ok. Ouais. Jamais on t'a dit, vas-y, prends la drogue. Bon, allez, putain, Burning Man ou pas Burning Man là. Personne te dit ça, personne te force à quoi que ce soit, c'est hyper cool. Tu te souviens dans le camp de français où on est allé là, où on s'est fait les massages frogies, et tout là. C'était des Froggies, c'est ça? Non, c'était pas les Froggies, c'était les Disco. Ah ok. Wow. Parce qu'il y avait un camp français qui s'appelait les Froggies, voilà. Ouais. Mais il y en a plein, en fait, il y a effectivement beaucoup d'Américains, beaucoup de Français, surtout beaucoup d'Américains, beaucoup d'Israéliens aussi, des Italiens. Et donc, il y a ce mec là, un Français, il a un feutre et il me fait trois carrés sur le bras. Ah, oui, c'était assez tôt dans la semaine. Il me fait voilà, maintenant tu ne peux. Alors pour le coup, voilà, tu ne peux dire non que trois fois cette semaine. Voilà. C'est génial comme principe. Et effectivement, bah, je l'ai. J'ai jamais rempli une seule des cases, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours dit oui. Enfin, après, non, c'est. Tue ce mec là pour moi. Ok. Enfin, toi, en tout cas, d'expérience à faire, tu vois, qui sont un peu. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, tu regardes. Alors c'est con, hein, c'est juste trois cases sur ton bras, mais tu fais bah, allez, si, je vais dire oui, quoi. Ah, je vais jouer. J'y vais, quoi. Escalier. Escalier. Ouais. Bah écoutez les avis, ça va faire 1h40. Wow. Donc je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est très cool. Mais de toute façon, les gens qui veulent y aller, renseignez-vous sur les blogs, il y a tout en ligne. De toute façon, il y a des mecs qui ont fait des vidéos YouTube, des tutoriels, tout ça. Il y a zéro spoiler dans ce que vous allez faire. Mais de toute façon, c'est que je répète, hein, mais en vrai, il y a rien, il y a aucun spoiler. Seul, accompagné, motivé, pas motivé, il y a vraiment un truc. Vous vous souvenez quand vos potes qui avaient déjà doigté une meuf vous racontaient ouais. et quand vous l'avez fait pour de vrai. C'est bon, bah voilà, c'est la même chose. Vous vous rendu compte c'est vraiment la meilleure analogie du Burning Man. Là, faut juste rajouter un peu de sable sur le doigt. Quoi. Ouais, c'est juste ça. Bah, les amis, je vais vous faire un dernier petit tour de table, savoir aussi ce que vous faites en ce moment dans votre actualité. Est-ce que vous avez prévu de retourner au Burning Man là, ouais, du coup, ouais, putain, ça rien d'en parler là, savoir qu'ils y sont en ce moment là, ouais, ça. En fait, c'est fou parce que bah chaque année avec en tout cas avec Vanessa et Ludoc, on essaye d'au moins d'avoir une place pour se donner la possibilité. Oui, au pire vous la revendrez. Ouais. Au pire on la revend, mais là ça fait 2 ans consécutifs. En fait, bah non, on en a eu 6. Hein. Là, on avait 6 places. Il y a une difficulté, c'est vraiment l'inverse de 0. Mais trop taf. La difficulté, c'est la période. Ouais, c'est parce que c'est pile poil dans la rentrée. Comme c'est fin août, début septembre, et que c'est la rentrée audiovisuelle, c'est très difficile pour la plupart de se projeter aussi. Ouais. Nous autres, gens du métier, tu vois. Exactement. Non, mais c'est là où t'as le seum des gens qui habitent à San Francisco. Hein. Pour eux, c'est comme s'ils partaient en week-end, tu vois. Ils sont juste à côté. Tu fais, allez, bâtard. Ouais. Donc, c'est quand même une organisation. C'est oui, avion. Avion, Airvie. Et puis c'est un prix quand même, hein, au final. Même si c'est ouais, pas cher, 000, le Burning Man. Oui, 4000 balles à deux. Hein. Oui. C'est entre l'avion et la location. Parce que c'est quand même un vrai luxe, hein, d'avoir un camping-car comparé à. Ah, ça fait la diff, ouais. À être en tente. À être en tente et tout. Moi, j'étais en tente, j'ai bien vécu le truc. Ah ouais? Mais t'avais le camp. Dans un camp. Ou alors faut être dans un camp. Ah oui, t'étais dans un camp. Moi, il y avait de l'eau par contre. Oui, voilà, parce que nous, on n'était pas dans un camp. Ouais. Mais effectivement, avoir des toilettes à soi. Ça, c'est vrai que c'est, des fois. Ouais. C'est cadeau, c'est mon cadeau d'anniversaire à Kian. Enfin, le cadeau d'anniversaire à Kian, c'est qu'il puisse venir yèche dans le RV. C'est vrai. Je peux m'asseoir sans regarder ce qu'il y a derrière. Vas-y, merci mon pote, merci. Oui, non, j'allais vous demander, est-ce que vous avez des recommandations? C'est vrai que normalement on fait ça et ça fait plusieurs émissions que je zappe. Et là on a un petit peu de temps si vous avez un truc que vous avez envie de recommander aux gens. Parce que moi j'ai vu The Boys. Putain, une... j'allais dire The Boys. J'ai fini, j'ai fini avant de venir. Bah écoutez, j'ai trouvé ça grave cool. C'est grave cool. Hein. Je connais pas la BD. Alors donc, qu'est-ce que c'est? Parce que moi je ne connais pas du tout. Et bah alors The Boys, comment je pourrais être le résumé? Je peux? Ah, bah, vas-y, j'ai déjà résumé, je dis il faut pas spoiler non plus. C'est dans un monde où les super-héros sont hyper médiatisés. C'est comme Avengers. Mais ils sont médiatisés, ils ont des réseaux sociaux à fond, ils font des placements produits, c'est comme des c'est vraiment c'est des grosses stars. C'est des influenceurs. C'est clairement c'est des influenceurs, ils font des pubs dans tous les sens et c'est quasiment des dieux sur Terre. Ils vivent et ils travaillent au fond, ils travaillent pour une société qui s'appelle, je sais plus. Mais qui est l'équivalent de Marvel en gros. Hein. Ouais, enfin, voilà. C'est comme si Marvel existait vraiment dans la vraie vie. Voilà. Et ils rendent service à des gens dans le monde entier, enfin aux États-Unis parce que c'est qu'aux États-Unis. Et en fait, c'est un autre regard sur les super-héros. Ouais, c'est tous un peu des fils de pute. Jusqu'au jour où il y a un gars, il y a un accident avec un super-héros parce qu'il y a des dommages collatéraux qui se font et le mec va commencer à creuser. Et du coup, il y a une étrange vérité, comme dirait Patrick Beau. Okay. Et c'est très drôle, c'est produit par, Seth Rogen et Evan Goldberg. C'est vachement bien produit. Et c'est créé par un des co-créateurs de Supernatural. Si vous êtes fan de Supernatural, alors c'est un peu plus trash, hein, c'est quand même. Je crois que c'est moins trash que la BD pour les gens qui l'ont lu. Je crois que ça va un petit peu moins loin. Non, c'est violent quand même. C'est violent, mais c'est quand même très violent. Très, très gore, violent. C'est gore. Il y a du sexe un peu sale. Enfin, sale dans le genre. Ouais, ouais. C'est un peu. Non. Ça, c'est cool ça. Sur des balançoires. Cool. Ça donne envie, ok. Non, mais en tout cas. C'est vraiment. C'est surprenant. C'est frais et c'est très actuel. C'est-à-dire que c'est très au fait de ce que tu vois dans la société actuelle par rapport à l'industrie du spectacle et tout. Et c'est un vrai propos. Et même si t'aimes pas trop les films de moi je suis pas très fan des films de super-héros. Moi je m'en branle. Mais là en regardant The Boys, j'ai kiffé parce que c'est pas forcément c'est sur des super-héros mais c'est amené différemment en fait, c'est un autre regard et c'est très intéressant. Et si t'aimes pas Avengers, tu peux quand même Moi j'ai rien suivi à tout ça donc au contraire, c'est une vraie OK. Ça se moque un peu en vrai hein, même. Ouais, complètement. Ça parle de ça. Ça rajoute de l'humanité dans ces gens qui sont totalement irréprochables dans Avengers, c'est vraiment des héros incroyables et tout. Oui, ça te dit si c'était vraiment des humains, parce que c'était vraiment des rostas, et aussi en film, alors je pense que vous êtes déjà allé puis en plus je suis même pas sûr qu'il soit. Ah non, vous savez quoi, je vais pas vous conseiller le Tarantino mais qui est très bien, n'hésitez pas. Allez, si vous pouvez, il y a Good Boys, alors on reste dans la thématique des Boys, produit par Seth Rogen. J'ai trouvé ça grave frais, c'est à dire que c'est pas un chef d'œuvre du cinéma, c'est sur des gamins qui en fait, sur le papier on dirait que c'est super grave avec des enfants plus jeunes, en gros c'est des gamins. C'est ce que j'ai demandé, si t'es dans la même veine. Ça ou... va un peu là-dedans, c'est trois enfants qui sont potes, je crois ils sont en sixième ou un truc comme ça, et ils veulent aller à une boum organisée par un des enfants. Parce qu'il y en a un qui est amoureux de la meuf qui est, il y a le jeu de la bouteille, alors il veut y aller tout. Et donc dit comme ça, je suis d'accord, ça a l'air pas foufou. Mais en fait, c'est pareil, extrêmement actuel. Moi, j'ai été assez surpris à quel point ça intègre les questions d'aujourd'hui sur le sexisme ou notre relation avec les autres humains et les questions de société, tout en étant une grosse comédie pas du tout relou avec des blagues de god et d'enfants qui font des blagues avec des gros mots. Et pourtant c'est très, alors j'aime pas ce terme, mais woke entre grosses guillemets. Et non, c'est vraiment intelligent et c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement bien joué. Et ouais, je vous conseille ce film parce que, et surtout je suis très, enfin je remercie personnellement. Non, c'est trop cool qu'Universal mette ça au cinéma parce qu'en fait c'est le genre de comédie que tu ne peux voir quasiment que sur Netflix aujourd'hui. Et le fait que ça se soit en salle, j'ai trouvé ça grave cool. Alors je crois que c'est pas sur beaucoup de salles. Je crois que c'est, nous on a la chance à Paris que ça soit diffusé quand même sur pas mal de trucs. Je suis pas sûr qu'en province ce soit aussi facile d'accès. Mais en tout cas, quand ça sortira en DVD ou en VOD, n'hésitez pas à le mater. Parce que c'est vraiment très chouette. Il y a le gamin de Room aussi, Jacob, je sais plus quoi, qui était dans le Dolan aussi, qui est un gamin qui joue vraiment trop bien et qui vend trop bien les vannes. Et donc voilà, ça s'appelle Good Boys, c'est vraiment très drôle et ça parle en gros de tes premiers copains. C'est-à-dire que c'est un truc très mélancolique aussi sur tes premiers amis, quand c'est en gros les enfants de tes parents, les enfants des amis de tes parents ou alors tes voisins, et que tu te rends compte qu'en fait c'est juste tes amis parce que. En gros, la question du gamin, c'est est-ce que c'est mes amis parce qu'on vit dans le même quartier ou est-ce que c'est vraiment mes amis? Ouais, et juste ça, j'ai trouvé ça. Ouais, ça m'a réveillé des trucs de quand j'étais petit, de ah putain, c'est vrai en fait, ouais, c'est tous ces amis que j'ai perdu de vue en grandissant. Donc voilà, Good Boys, si vous avez l'occasion, c'est vachement cool. Voilà, vous avez des trucs, vous les avez? Moi, je vous conseille, alors je vais pas du tout arriver à le pitcher, mais j'ai vu la série Euphoria qui est disponible sur OCS. Et c'est hallucinant, que ce soit au niveau de la DA, de la réal, du jeu d'acteur, de la musique. Il y a Drake qui produit derrière et ça se ressent aussi. C'est ultra moderne. Les sujets sont ultra... Ça parle de quoi? C'est très, mais c'est sur un la, skin, sur mais en 2019, quoi. Mais avec ton rapport au corps à l'adolescence, beaucoup plus trash, quoi. Euphoria. Mais dans l'écriture plus nuancée aussi. Oui, oui. C'est très oui. nuancé en écriture. C'est adapté d'une série. Vraiment très très bien écrit. Ouais, quoi. C'est adapté d'une série israélienne et c'est moi je me suis pris une vraie claque à tous les niveaux en fait. Bah l'épisode de la fête foraine, le plan séquence du voilà. C'est fou. Ouais, mais en tout cas, il y a des vrais parties prises réelles de ce que j'ai c'est compris. Incroyable. En réel, il y a vraiment des plans, et moi qui suis fan de Bidouille, et il y a vraiment des plans. Des bidouilles de Ludo, gros bidouilleur, le Ludo. D'ailleurs, on bosse sa bonnette à chaîne de Bidouille. Mais non, je me suis vraiment demandé comment ils ont fait certains plans. Et, ouais. Et en plus, c'est pas juste des plans de kiff de réel et tout, ça sert la narration de ouf. C'est incroyable. Tom ? Vraiment. Et eh ben moi j'ai revu un classique que j'avais vu quand j'étais enfant qui s'appelle Candyman. Je sais pas si vous... ouais, le film d'horreur. Ouais. Parce qu'en fait là il y a un remake qui va être fait dans pas longtemps. Parce que c'est un film d'horreur sorti aux années 80 donc forcément il y a un remake qui va sortir. Non mais écrit par Jordan Peele le remake et du coup je me suis un peu replongé dedans et en fait c'est vraiment vachement bien. C'est en fait ça va plus loin que le film d'horreur. Il y a un vrai truc sociologique etc. C'est vraiment super. Et ça fait, c'est un peu glauque par contre, c'est un peu mal vieilli, ouais. Mais c'est charmé. Donc voilà. Trop bien. Vanessa. Euphoria, c'est dit. The Boys aussi. C'est pas une nouveté vraiment, mais conseille aux gens de le faire. C'est Big Little Lies. Ah là, HBO en ce moment, ils sont quand même. Ils sont trop forts là. Hein. Et la deuxième saison, elle est folle parce qu'à la base, c'est une mini-série, donc c'est un 6x50, je crois. Ça devait être qu'une saison et en fait ils en ont fait deux. Il y a le casting suprême de femmes, c'est-à-dire Nicole Kidman, Meryl Streep, Balasco Victoria Abril, parce que c'est aussi un remake de Gazon Maudit. Oui, bah c'est Corinne Touzet. Vous avez dit qu'ils étaient très forts. Et Jean-Marc Vallée qui avait réalisé la saison 1 et là il est plus dessus, mais c'est trop en montage, c'est fou, la musique est incroyable, le jeu est fou et enfin c'est super. Je conseille même la série qu'il a faite entre les deux saisons là, parce qu'il est quand même toujours DA un peu, je crois. Non, il a fait une série parce que le mec quand même n'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il a fait la première saison de Big Little Lies, après il a fait Sharp Object avec Amy Adams, qui est vraiment charmé aussi. Et c'est un super réal aussi de film, Demolition qu'il avait fait qui était vachement bien. Et Dallas Buyers Club. Et son premier film. Ah, génial aussi, ce film. Crazy, je crois. C'était lui qui avait fait Crazy. Oui, absolument. Je crois que c'est lui, ouais. C'était ça, trop bien. Mais pour les gens de ma génération, incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais parce que Big Little Lies, si vous commencez à regarder la première saison, vous risquez de vous dire que c'est un espèce de Desperate Housewives d'auteur. Ouais. Et genre pas, on s'en branle un peu parce que c'est des histoires de Daron, enfin on s'en branle. Et en fait vraiment, tenez la première saison parce que le dernier épisode je l'ai regardé trois fois d'affilée. C'est incroyable, incroyable. Voilà. Kian, J'ai revu Full Metal Jacket. Gros classique quoi, super. J'ai revu Interstellar aussi. J'ai vu l'influence de Nolan, de Kubrick chez Nolan, vraiment c'est assez dingue quoi, au terme de traitement du son et traitement des plans et tout. Et c'est drôle parce qu'on lui fait les mêmes réflexions de oui mais du coup on s'attache pas au personnage et tout ça, c'est les mêmes critiques qu'on faisait à Kubrick à l'époque. C'est fort Kubrick ce qu'il a fait dans Full Metal Jacket, c'était fort. Et Fleabag que j'ai vu disponible sur Prime. Ah oui, évidemment. Vraiment bien aussi quoi, vraiment. Full Metal Jacket, il est sur Netflix, Prime. Il y a Fleabag et je crois qu'il y a une adaptation avec Camille Cotin sur Canal aussi. Ouais, qui s'appelle Mouche. Je sais pas, je l'ai pas vu. C'est un peu plan par plan et bizarrement, t'as beau faire exactement la même série avec les mêmes dialogues, etc. Si il y a une magie qui se fait avec la comédienne anglaise qui se fait pas avec Je crois qu'on adore Camille. C'est pas son projet. Si, c'est elle est réelle, elle est auteure, elle est comédienne, elle fait tout et ça se ressent. Mais là on va la voir partout d'ailleurs, cette nana qui a fait Phoebe Waller-Bridge, elle coécrit Killing Eve. Ouais, elle a fait Killing Eve et Crashing. Et celle qui coécrit le James Bond là. Ouais, là ils l'ont appelé. Mais Crashing, c'est pas la série Crashing. Il y a celle de Pete Holmes et il y a celle de Phoebe Waller-Bridge en fait. Et elle, c'est en gros le pitch, c'est des gens qui vivent dans un hôpital désaffecté. C'est une espèce de Friends dans un hôpital désaffecté et c'est vachement bien et c'est la série qu'elle a fait avant Fleabag. Enfin voilà. Et c'est bien. Ouais, c'est cool, c'est sur OCS. On peut trouver ça où sur OCS, je crois. Ouais. Okay. Beaucoup de séries. On est plus genre. Tu peux trouver ça à la Fnac maintenant. C'est vraiment. Je peux trouver ça chez OCS, tu vois. Ah, et juste un dernier truc pour ceux qui passent par Vegas. j'ai fait Vegas pour la première fois de ma vie. C'était l'enfer et en même temps fascinant. Je vous conseille d'aller voir le spectacle des marionnettes avec des pénis. Voilà. Ah, qui s'intitule ? N'hésitez pas pour tout produit culturel. Pénis marionnettes. C'est incroyable. D'accord. À un moment donné, Vegas, avec sa queue et ses boules, ils mettent une petite miniature de Miley Cyrus dans Wrecking Ball. Et c'est très très intéressant. Ah oui, dit comme ça, je c'est vois. C'est de l'art contemporain de merde. C'est Harlequin, mais il frappe avec une bite. Oui, voilà, tout simplement. Il frappe le gendarme avec une bite. Ah, c'est bon, c'est pas mal. Oh, Guignol ! C'est ma petite review. Je peux le sucer ? Il est encore là, lui. Il est partout, alors, celui-là. Jérémy ? Pas très original, mais Mindhunter saison 2. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Pas vu elle m'a fait bader la saison 1. Ouais, elle m'a fait bader de ouf. Pareil. Je sais pas. Mais c'est elle est vraiment, vraiment bien la saison 2. Ouais. Ah ouais, pour plus tard, je crois. Et j'ai oublié, faut que je revoie la saison 1, du coup, j'ai oublié, moi. Mais non, Emmanuel Macron, il en pense quoi ? Enfin, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est pas la même structure, il y a un truc un peu plus feuilletonnant, je trouve. D'accord. Donc c'est moins basé sur les interviews avec les... Bon, il y en a un. D'ailleurs, big up au mec qui fait Charles Manson, elle est vraiment folle, elle est quasiment le même acteur. Qui est qui quoi big, bah, big up Charles Manson, hein, on l'embrasse. C'est le même acteur que dans le Tarantino d'ailleurs. Et du coup, qui a plus de dialogue dans le Mindhunter que dans le Tarantino. Il dit juste je cherche Jean-Mi. Bah, il est pas là. Bah, salut alors. Et donc Mindhunter saison 2, vraiment que j'ai vraiment en deux jours, je l'ai bouffé quoi. Les acteurs sont ouf, bref voilà. Et Midsommar, mais la version longue que j'ai eu la chance de voir à New York. 3h30. Ah, t'as kiffé Midsommar. Ouais, mais la version longue. J'ai pas accroché. Ah, vraiment, j'adore. Après, on peut pas en parler. Mais moi, j'avais beaucoup aimé Hérédité. Ouais. Et celui-là, en fait, c'est un délire. Tu rentres pas. Je conseille la version longue, vraiment. Ouais, tu trouves. Mais comment tu peux avoir une version longue ? C'est quoi le truc ? Il y a 45 minutes en plus. Et qu'est-ce qui se passe dans ces 45 minutes ? Moi, j'ai vu les deux versions. J'ai vu la version pas longue et la version longue. Et en fait, il y a tout ce que j'ai pas aimé dans la version courte, enfin qui dure quand même 2 heures et la version cinéma quoi. C'est le genre effectivement toute leur histoire de break-up qui est au moment donné tu les perds un peu au milieu du film, ils vont chacun, et que j'ai trouvé vraiment décevant parce que pour moi c'est vraiment c'est un film de rupture et c'est pas un film film de rupture qui est beaucoup mieux amené, qui est beaucoup plus leur relation est beaucoup mieux traitée dans la version moi le truc effectivement qui m'a rebuté c'était plutôt les personnages et là en gros ce que tu dis c'est qu'on les mieux défini, on les définit mieux pardon dans la version longue quoi. Ok, bah je vais quand même pas me la refarcir hein, c'est 3 heures, mais en tout cas c'est intéressant à entendre. Midsommar qui est encore en salle si jamais vous voulez voir la version longue. Et c'est les 10 ans de Inside Jamel Comedy Club. Oui, qui est dispo sur YouTube, qui est une des meilleures séries françaises qui a jamais été créée, donc allez la voir. Et si jamais, sachez que le premier épisode de cette saison, on a reçu Yacine Edédo qui en parle un petit peu, qui donne des coulisses. C'était assez cool d'ailleurs. Donc allez voir. Si vous voulez aller l'écouter, n'hésitez pas. Merci beaucoup les amis. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver donc Jérémy, toi tu vas rentrer en tournage pour La Flamme. La Flamme pour Canal+, qui sera dans un an, je pense, sur les écrans. Comme ça. Une parodie du Bachelor. Oui, voilà, c'est ça. Mais qui d'ailleurs est un sorte de remake. Remake de Burning Love, qui était une série produite par Ben Stiller avec Ken Marino, Macaulay Black, enfin toute une ribambelle de gens qu'on aime beaucoup. J'étais ravi que sur mon contrat d'auteur, il y ait d'après une série produite par Ben Stiller. Il y avait Ben Stiller et moi sur le même contrat, j'étais assez heureux. C'est pour ça que j'ai signé d'ailleurs. Et parce que Jérémy m'a fait du guacamole. Kian, ton spectacle ? Je suis en spectacle dans partout. Vous allez sur unebonnesoirée.fr pour trouver une date près de chez vous. Il y a une nouvelle émission, on a une émission qui s'appelle 60 qu'on a fait sur Canal, qui est dispo sur MyCanal. C'est 60 artistes en 60 minutes. Tu comptes en faire d'autres d'ailleurs ? Écoute, a priori, ce serait les signaux sont assez verts pour qu'on en fasse une 62 du coup. Qu'on fasse celle-là et ça serait cool qu'on en refasse une. Il y a Derrière un micro qu'on avait fait à Montréal l'année dernière et là on l'a fait en Belgique avec des humoristes belges, des humoristes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, des gens qu'on connaît comme Guillermo Guise et tout, mais il y a plein de nouvelles générations. Donc ça sortira bientôt aussi, ça sera sur... Ah, il y a Baptiste aussi dans celui-là, je crois. Il y a Baptiste qui fait un sketch de son tout nouveau spectacle, c'est vraiment, vraiment, vraiment hilarant. Vidéo Gabla, si vous le visualisez pas, c'est copie comique. Voilà. et ouais, je fais un peu de stand-up dedans, c'est cool. C'est stylé. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un Derrière un micro qui est passé sur C8. Oui, c'est ça maintenant. Voilà. Ouais, il va passer sur C8. Il était sur C-Star. C-Star, excusez-moi. Donc il est disponible en replay maintenant gratuitement. Les replays de C8 et C-Star, donc vous pouvez le voir gratos si vous n'avez pas Canal. Voilà. Et plein de projets aussi. Je suis en train de pas mal développer des trucs. Maintenant, je produis, donc ça c'est cool. Trop bien. Ma boîte s'appelle FKLG. Voilà. D'accord. Faire kiffer les gens. C'est juste ah, ça. Trop donc, bien. J'essaie de faire kiffer les gens. Donc j'essaie de faire kiffer les gens. Voilà, c'est tout ce que j'essaie de faire. Donc je travaille sur des programmes courts, des trucs cool, des nouveautés en tout cas, des nouveautés avec des nouveaux artistes. Et voilà, c'est un peu mes plans aujourd'hui, c'est de passer un peu le flambeau. Bah, mortel. Vanessa ? Eh bien, moi, en ce moment, je pète un fond dans mon bureau pour produire la nouvelle émission de Monsieur Poulpe sur Canal. Mais alors, qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas en parler encore. Vanessa Brier, qu'est-ce que c'est? Je peux pas le dire encore. On peut pas encore le dire. Non, parce que ça a été, ça commence à être annoncé depuis hier par Canal et tout, mais je peux pas encore en parler. D'accord. Pour la bonne raison qu'on n'a pas encore de titre. Ouais, mais si vous googlisez Poulpe Canal dans les prochaines semaines, vous aurez. Ouais, voilà. Voilà. Mais c'est cool, c'est un projet trop bien, c'est en hebdomadaire. Voilà, c'est une émission. En c'est hebdo, une émission en hebdo, ouais. Wow. En clair, donc pour nous c'est un bon step, quoi, on est c'est hyper quoi, contents. C'est quoi, ça sera un samedi, ça sera un... On peut pas en dire plus, Kian. Ah, okay, on ne peut pas en dire mais, plus. Mais si je peux éviter de faire du montage, j'ai la chance de pas avoir Méniel, donc je ne fais pas de montage normalement sur cette émission. Donc... Et Crac Crac reviendra sous une nouvelle forme aussi. D'accord, ok, voilà. J'en mets. Donc plein d'actu sympa. Trop bien. Tom ? Eh bien, vous pouvez me retrouver à la chicha de... Non, non, alors dans les actus, bah, y a un court-métrage qu'on a fait avec écrit par Aramanis. Et trop bien. Donc, qu'est-ce qu'il est drôle, lui. Ouais, qu'est-ce qu'il est marrant. Il est pas mal, il est pas mal. C'est un bon gars. Non, non, mais voilà, du coup, sur Golden Moustache, courant septembre, on sait pas encore exactement la date. Ah ouais, mais tu l'as tourné il y a longtemps. Enfin, il y a pas mal de temps. Ouais, ouais, on l'a tourné il y a... C'était en avril-mai, quelque ouais, chose. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est, on voulait sortir pour la rentrée parce que c'est un gros morceau et voilà. Donc Aramanis qui fait des, qui va sur le forum de Doctissimo, oui, qui lit des problèmes absolument de gens et il en fait une chanson. Ouais. Et il lit le truc en chantant chanson, et c'est ouais, gaulerie de ouf. Manis qui va, ouais, qui va revenir dans pas très longtemps d'ailleurs dans le podcast évidemment. Il va très très vite revenir. Il a plein d'anecdotes à nous raconter. Chaque fois je lui dis, parce qu'il a un truc où il raconte des anecdotes sur son Instagram, je dis mais viens chez nous, viens nous les dire. Mmh. On fera des blagues et on te coupera la parole toutes les deux minutes. Ludoc. Moi je suis en écriture d'un projet de série un peu ambitieux, ça va faire un an et demi, deux ans, avec pas mal d'énergumènes. Pas des humains, hein, des énergumènes. Voilà, et je suis aussi sur un projet de, je reprends, j'ai fait quelques masterclass chez YouTube, chez Fanta, etc. autour de mes bidouilles de réal, et je suis en train de l'adapter pour ma chaîne YouTube. En fait c'est plus un truc où ça fait très longtemps que je l'ai en tête, et j'ai eu la discussion avec Vanessa où j'avais beaucoup de mal à me dire comment je fais pour... incarner le projet, pour, parce que moi j'aime pas me montrer en fait, mais j'aime quand même partager mes techniques. Et là j'ai trouvé la bonne méthode, juste en mettant de la voix off, etc. Donc là c'est en train de c'est un montage. Et en même temps je suis en train d'en faire un livre, une sorte de manuel Chambé. De réalisateur que j'aurais aimé avoir quand ah, c'est débuté. Chambé, ça. Chambé. Donc avec toutes mes bidouilles, mais un truc un peu vraiment pratique parce que ouais, j'ai ludique, ouais. Voilà, moi j'ai eu pas mal de livres quand j'ai débuté, j'en ai vu d'ailleurs dans ta bibliothèque. Les 101 plans du cinéma. Voilà, c'est pas forcément des retours de, il y a pas forcément de retour d'expérience ou des bidouilles comme nous on a pu avoir avec ce côté on oui, a pas de web. Sous et faut faut quand même avoir un truc un là, peu j'ai ambitieux. J'ai vu un très bon livre qui s'appelait Comment faire un film à la manière de Tarantino. Ouais, c'est particulier. Ouais. Donc, voilà, on dirait un numéro d'art. C'est les gros projets. Et amateur quand même, qui est sur YouTube. Et amateur, en effet, ouais. Est-ce que tu peux très, nous dire très ce que c'est amateur? Amateur, c'est une petite série de 4 épisodes entre 10 et 15 minutes. On a suivi un mec qui s'appelle Alban, qui a fait Koh-Lanta, et qui a eu l'idée de... qui, en fait, le concept, c'est de rencontrer une culture à travers son sport emblématique. Là, on est parti en Thaïlande, et pendant 7 jours, il va apprendre la boxe thaï avec plusieurs coachs. Et alors qu'il n'en a jamais fait de sa vie. Voilà, il n'en a jamais fait. Et au bout de 7 jours, il va affronter un boxeur professionnel dans un stade. Oh Et ça, c'est sur YouTube. Hein. C'est, voilà. C'est, tout est gratos et sur on est le très YouTube content de parce GQ. Que vraiment, c'est sur la chaîne de GQ. Et on avait un peu peur au niveau de, bah, des vues, etc. On disait, est-ce que ça va fonctionner? Parce que c'est un peu un départ à zéro sur des nouveaux projets comme ça. Et là, je crois qu'on est à 2,5 millions en cumulé et ça a vraiment bien marché. Ah, c'est trop bien. Et on a réussi le défi d'avoir un truc un peu docu sur la culture thaï et un peu. C'est une fiction ou c'est un docu? C'est un docu. Ah, c'est un docu. Tout est réel. Ah, tout est réel. C'est... Il se bat vraiment, c'est pas une fiction. Parce que moi, quand j'avais vu le trailer, je me disais, ah, ça a l'air chambé, je crois c'est que c'est une fiction. C'est monté et réalisé façon fiction parce que c'est d'accord. Mon truc. Parce que c'est aussi le. Je regarde de plus en plus de docu et c'est de plus en plus réalisé, monté. C'est vrai. Etc. Et donc, non, tout est réel. Ah, charmé. C'est ça qui est très intéressant, c'est que du coup, il y a une vraie rencontre avec la culture et il y a un vrai enjeu. Et ça a de la gueule, enfin, je me permets de te le dire, parce que tu pourras pas le dire toi, mais c'est vraiment très très merci. Beau, quoi. Enfin, vraiment, il y a un. Non, et il pousse vraiment. Tom, t'étais dessus aussi, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Bah, j'étais en second cadre. On a vécu une semaine en Thaïlande sous la pluie en juillet. C'était, mais en vrai, c'était une putain d'aventure, quoi. C'était trop cool à faire. Mais bon, en fait, ce qui était drôle, c'était qu'on était tous un peu amateurs, parce que. C'est le premier docu qu'on a ouais, fait. Ouais, c'est ça, c'est le premier docu qu'on faisait tous en fait. Même Sarah qui est productrice. Sarah Gélin, ouais. Qui a produit, ouais, c'est ça. Ça. Et du coup, c'était quand même assez génial de tous se retrouver dans la pluie et la chaleur poisseuse quoi. Avoir un gars se faire tabasser. Super. Et en plus, et en plus voilà. C'est ça. Ce qui non, est bien, c'est super. Qu'il pousse le truc jusqu'au bout. C'est qu'il se, enfin, il a un mental de fou et c'est ce qui est super intéressant, c'est que il lâche jamais rien et on se... et il va jusqu'au bout en fait. Et de le voir monter, je me souviens que nous, quand on l'a vu monter dans le stadium devant 200-300 personnes, on s'est dit putain, il a des couilles quand même. Voilà. Bah trop bien. Flaubert, t'as des projets toi? Bah moi, ou des projets j'en ai, bah du coup oui, entre autres La Flamme, j'ai aussi mes projets avec perso, Jonathan mais bon, Cohen. Ça va être dans des années, des années. Oui voilà, qu'on a écrit avec Jonathan. Et mais vu que moi les trucs c'est sur le long terme, non mais en ce moment dans le dur, il y a Pitch du coup de Baptiste Le Caplain qui fait une nouvelle saison sur Canal à la rentrée, donc ça c'est plutôt chouette. Mais et tout va sur YouTube. Je t'avais raconté ou pas, j'ai vu un ou deux épisodes et il y a un épisode qui se moque en fait des scénaristes de format court. Et en fait le perso c'était toi et bah j'ai cru que c'était un mec qui te piquait au vif quoi. Tom m'a envoyé en fait il y a un épisode où on se moque un peu des auteurs donc dont moi mais aussi ceux que j'ai croisés dans notre vie quoi. Et effectivement Tom me dit oh putain le bâtard, il y a un gars qui se fout de ta gueule et donc, c'était moi qui l'avais écrit quoi. Et le top commentaire d'ailleurs dit ça va Florent, tu veux qu'on en parle? Ouais, vous avez une barbe, vous êtes semi gros, vous plagiez Joe D'Apato, donc voilà, c'est une espèce un peu de psychanalyse avec cet épisode. Ouais, donc voilà, Pitch et une bande dessinée chez Delcourt. Ah, je savais pas ça. Bah ouais, qui a été signée. Donc ça y est, je peux enfin en parler avec David Mourier, donc en chef de collection. Donc ce n'est pas lui qui décide, c'est David Mourier est le chef de collection. C'est lui qui m'a permis de faire cette bande dessinée avec également Marion de Delcourt et maintenant Leslie. Et voilà, donc ça c'est très cool. Mais pareil, c'est dans très longtemps. Parce que Leslie, c'est la chanteuse. La chanteuse Leslie, ouais, qui fait maintenant de l'édition. Ah ouais, pas mal. Ouais, ouais, ouais. J'essaye de chercher, de citer une chanson et je n'en ai pas. J'ai fait des clips pour Leslie quand j'ai débuté pour lancer ma prod, voilà, sachez-le. Ludoc en parle. Dès que vous vous moquez un peu d'un clip des années début 2000, sachez que c'est Ludoc. Ouais, voilà. J'ai quelques doses. Je m'étais foutu de la gueule, peut-être on le coupera, mais de Gary Fico une fois, et c'était le Ludoc. Et même Cyprien avait fait une vidéo autour de ce clip. Oui, genre, alors le clip, il fait ça, c'est ridicule. J'avais envoyé un message en mode, bah, j'étais là. Donc voilà, bande dessinée. Alors je dis pas le titre, je dis rien parce qu'encore une fois, ce sera sûrement en juin 2020, donc c'est vraiment tout de suite. Ça met beaucoup de temps, mais tous les storyboards sont faits, l'histoire est validée. Donc là maintenant, on va faire ce qu'on appelle les traçages et colorier le tout. Et voilà, donc ça devrait sortir en juin 2020. Et j'en suis très content. Voilà. Trop bien. Bon bah écoutez, je vous fais des bisous. Merci encore les amis d'avoir partagé votre expérience là-dessus. C'était et j'espère grave à cool. tous. Bon burn hein, pour les gens à qui on a donné envie d'aller. Bah, je pense, moi je pense en tout cas. Et je vous fais des bisous. Salut tout le monde. Ciao. Bonjour. Ciao. Bisous. My heart is going, I'm out of meaning. My Mr. Mojo is rising forever 27.